c'est ça, c'est la vraie vie entre 5h et 6h. Et même après, ça continue jusqu'à 9h30, le Virgin Tonic qui vous accompagne sur Virgin Radio avec tous vos rendez-vous préférés qui arrivent dans quelques instants. Et puis Gavin James, ça on aime beaucoup. Ouais. C'est à la fois pop, c'est à la fois piano, c'est très sympa. C'est tout en douceur, j'ai envie de faire un slow. Pauline ? Oui ? Laisse tomber. C'est sauvé déjà. Je vais faire le slow avec Loïc à l'arrière. Bisous. Cut me down into little pieces before I could stand up. So I built a wall out of all my secrets, and now it's opened up. Comme ça, j'aime beaucoup. Gavin James à l'instant sur Virgin Radio. Camille arrive dans un instant avec toute l'équipe. Et puis mercredi, on vous prépare une émission spéciale, spéciale enfant. L'émission sera faite qu'avec des enfants. Ce sera filmé, retrouvé en live. Il y aura plein de jeux, il y aura plein de trucs cool. Il y a un hashtag aussi, c'est le hashtag Kids Tonic. C'est ça. Sur Facebook, sur Twitter. Et vous pouvez vous inscrire si vous avez envie de venir avec vos enfants. Ça se passe dès maintenant sur le Facebook. Si vous êtes là sur Virgin Radio, c'est soit que vous avez bossé cette nuit, soit que vous allez bientôt bosser. Bon, en tout cas, on est là pour vous accompagner. On démarre ce lundi matin ensemble, on paye votre loyer dans un instant. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant, loyer votre numéro de téléphone au 7-12-13. Je vous souhaite bonne chance. Et à 6h sur Virgin Radio, l'actu un petit peu partout en France, c'est avec Cédric Lecor. Salut Cédric. Salut Robin, bonjour à tous. Il revient timidement du soleil aujourd'hui sur la plupart des régions, en tout cas des éclaircies, mais le temps deviendra instable cet après-midi, peut-être des averses orageuses sur la moitié nord. Côté Mercure, ça remonte jusqu'à 24 degrés pour la vallée Amiens cet après-midi, 25 à Paris et Besançon, 28 pour Toulouse et Avignon. Et ce matin, 14 départements sont toujours en vigilance orange au risque d'inondation en Ile-de-France, dans le centre et en nord. Normandie. La Seine poursuit sa décrue et la montée des eaux du côté de Rouen a finalement été limitée. 7800 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. C'est la désolation pour des milliers de sinistrés qui retrouvent depuis quelques jours leurs habitations totalement dévastées. L'heure est maintenant au nettoyage et au bilan. Les intempéries devraient coûter plus d'1 milliard d'euros. À la une de l'actu ce matin aussi, la grève qui se poursuit à la SNCF. Les prévisions de trafic s'améliorent un peu. Environ 6 TGV sur 10, même proportion pour les TER et un intercité sur 3. Les négociations avec les syndicats vont reprendre aujourd'hui. Objectif pour le gouvernement, désamorcer le conflit sur la loi travail à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro de football. Une grève se profile également à Air France et une journée de mobilisation est prévue le 14 juin. Au moins 3 morts et une quarantaine de blessés bilan d'une collision hier soir en Belgique entre Namur et Liège. Un train de voyageurs qui roulait à une vitesse élevée a percuté un train de marchandises à l'arrêt sur la même voie. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'accident. Aux États-Unis, dernière ligne droite pour Hillary Clinton dans la course à l'investiture présidentielle. La candidate démocrate qui a remporté cette nuit la primaire de Porto Rico devrait dépasser mardi la majorité requise de délégués. 6 États dont la Californie seront appelés à se prononcer. En tennis, Novak Djokovic est entré dans l'histoire hier en remportant pour la première fois de sa carrière le tournoi de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial s'est imposé en 4-7 et un peu plus de 3 heures de jeu face au Britannique Andy Murray. Le Serbe est devenu le troisième joueur à remporter 4 épreuves du Grand Chelem à la suite. Exploit aussi chez les femmes. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté le double dames face aux Russes. Une première pour les Françaises depuis 45 ans. Le rugby, Toulon et Clermont qualifiés pour les demi-finales du top 14 à l'issue de la dernière journée hier soir. Montpellier, Castres, Racing 92, Toulouse devront eux passer les barrages le week-end prochain. Et puis en basket, deuxième match de la finale des playoffs de Pro A ce soir à Strasbourg. Lyon-Villeurbanne va tenter de prendre sa revanche face aux Alsaciens après sa défaite samedi. C'est à 20h30. Très bon réveil, vous retrouvez Camille Combal sur Virgin Radio. Bonjour à tous, je suis Céline de Paris, nous sommes le lundi 6 juin. Ce matin, c'est super dur pour moi car j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. En fait, j'ai trop dormi ce week-end. Mais bon, je déclare quand même l'émission ouverte. Bonjour la France! Bonjour! C'est bonjour Céline, il est 6h04 sur Virgin Radio. Bienvenue, toute l'équipe du Virgin Tonic est là. Oui, Camille est en train de badger, je pense, en bas. Oui. Je vais en train de chercher, il sera là d'ici environ 40 secondes. Merci de nous avoir choisi, on a encore plein de belles choses. Mais juste avant, Céline, est-ce que tu as passé un bon week-end? Alors, j'ai passé un week-end glandouille, mais je crois que je pouvais pas faire mieux. J'ai vraiment dormi, je me suis reposée. Oh, la et chance, j'ai même ouais. fait un croquet hier. C'est pour vous dire, c'était cool, Raoul. Un croquet. Un truc que j'ai pas fait depuis des années. Le croquet, c'est le. C'est quoi je comprends toujours le croquet et le criquet. Bah le oui. croquet, c'est les petits trucs en fer avec un. C'est l'ancêtre du golf, un peu ou pas? Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est ah, oui, bah c'est... Et c'était, mais reposant, c'est génial. Avec des boules en bois, tu dois passer dans des petits ouais. buts en, oh. en fer. Ouais, exact. Et t'as D'accord. gagné ou pas? Bah non, j'ai laissé gagner ma fille. On a changé les règles en plus pour que ce soit plus facile pour elle. Donc on a fait un petit parcours, on a fait des embûches. C'est hyper super. Compliqué. On attend bien ah sûr ouais. le championnat d'Europe de croquet, la France favorite bah ouais. au mois d'août en Espagne. Oui, Nico. Les croquets, c'est pas aussi des petites pommes des de terre trucs que les chiens mangent ouais. croquettes. Les croquettes. Non, mais non. Mais non. Non, non, c'est d'accord. C'est non, ouais, ouais un une plat. Spécialité, un plat avec oui. des pommes de terre, avec pané, un truc comme ça. Ouais, je ah, ne sais pas. Ça me dit t'as pas joué avec ça, Céline? Non, mais non, ça ne se mangeait pas, non, non. Bon, bah, c'est le plus important. Toute l'équipe est à mes côtés. Oui, oui. Un bon week-end. Ouais. Laure a déménagé, ouais. Pauline a picolé, Ginger ouais. a tabulé sur les réseaux sociaux. Un peu et Nico m'a ramené une feuille avec tout plein de cadeaux. Alors, vous ouais. le savez, on vous offre chaque jour votre loyer. Ce sera à 6h20, à 7h20, à 8h20, à 9h20. On a des gagnants tous les jours, la preuve. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Voyez Julien. Virgin Radio. Alors si vous aussi, comme Julien, vous voulez gagner votre loyer, c'est très simple. Vous balancez dès maintenant un petit SMS. Vous envoyez le mot loyer au 7 12 13. Nous, on le reçoit, on le mélange. On, j'espère pour vous, le tire au sort, on vous rappelle. Et vous gagnez un très beau cadeau. C'est pas tout. Alors il y a le loyer. Et ce matin, alors on s'est pas moqué de vous. Hein. Ça sent le mois de juin, ça sent les vacances. On vous envoie. Alors je sais pas si l'équipe est au courant. Non. Une île aux Antilles, Laure. Je ah. Laure, ça va être au pif, hein, la Guadeloupe. La Guadeloupe, ouais. Ah, bah, c'est exactement ouais, ça. Ouais. Laure, elle trouve la bonne réponse, on dirait qu'elle a gagné. Vous partez avec ou sans Laure en Guadeloupe, on vous offre une semaine, vous partez avec qui vous voulez. Virgin Radio s'occupe de tout, c'est un énorme cadeau. On vous offre aussi vos GoPro pour vous filmer en train de faire la plongée ou l'amour. Ah ouais. Après chacun. Oh, dis donc. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis on a également un séjour direction le sud à Nice. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Nice le 4, 5 et 6 août? Eh ouais. Non. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le festival. Ouais. Énorme festival. On vous envoie tout prêt payé là-bas. Génial. Avec sur scène, alors je sais qu'il y a, oh, il y a du très très lourd. Il y a Cassius. Ouais. Il y a, alors je n'ai pas toute la prog. Il y a Monsieur Oiseau. Mark Ronson sera là aussi. Ce qui est génial, c'est que Lilywood and the Freak Breakboat. Clément, il a même pas les dates, mais il a tellement envie d'y aller qu'il connaît les dates par cœur. 5 et 6 jours. Ouais, c'est exactement ça. Génial. Début août, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Bah, on se retrouve là-bas, les amis. Mark Ronson, je vous le disais, Cassius Breakboat, Feder, et ils ont même dit qu'il y avait une énorme surprise. Alors, soit ça veut dire on ne sait pas encore et on a mis personne, soit au contraire, bah, c'est. Ah, je crois que l'énorme surprise. La surprise est là. L'énorme surprise ce matin à 6h07, c'est bien sûr Camille Combal. Il n'était pas prévu et là il arrive en guest. Salut Camille. C'est quoi la blague? J'ai rien entendu. Salut. Non, j'étais en train de parler du Axboat. On fait gagner des places pour le Axboat Festival et ils ont dit il y a plein d'artistes et il y a une énorme surprise, mais on peut pas le dire. Donc je dis soit ils ont personne, soit on cherchait qui était la surprise. Ils ont annoncé qui? Feder, Cassius, Mark Ronson. Lilywood and the Prick. Lilywood, ouais. Et la surprise, à ton avis? Mais j'en connais d'autres qui y seront, mais je sais pas si c'est la surprise, je peux pas la griller. Ah non, bah non. Bah non, je peux pas. Bah non. Ah, t'as envie quand même. Ah, ça commence par quelle lettre? Non, mais là, s'il commence, c'est foutu. H. Alors, H, qui c'est qui est avec un H? Non, il y a personne non, avec on un pas. H. Vas-y, dis. Non. Non, mais arrête. Herbie Léonard? Non, puis les chers Rexonal. Et sur le rafting Rexonal. Mais oui, soyez les bienvenus. J'espère que ça va, que toute l'équipe va bien, bien sûr. Mais vous, surtout derrière votre radio, qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver, les amis. Qu'est-ce qu'on est heureux de repartir pour une nouvelle semaine en votre compagnie. C'est jusqu'à 9h30. Vous avez parlé des cadeaux? On a parlé des cadeaux. On a parlé de Céline. Tu sais ce qu'elle a fait ce week-end, du coup? Qu'elle a fait Céline? Du croquet. Tu connais le croquet? C'est un peu comme le golf. Genre du criquet? Ouais, non, un genre de criquet, mais ça s'appelle le croquet. Ouais, exactement. Ah, où on passe sous les petits trucs en fer? Bah oui, c'est mignon. Ouais, c'est tranquille. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais j'avais rien d'autre à faire, donc. Oh là là, j'espère que ça va pour vous. Et il a fait un temps ce week-end encore. Et là, ce matin, alors je parle, on est à Paris, mais dans toute la France. Il y a une brume là sur Paris. C'est mon soirée dans un tellement film. Tellement bizarre. Mais alors, tellement bizarre, on dirait un gorille dans la brume. Paris dans la brume. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Clément? Sur les Champs-Élysées, à la moitié, on voit pas l'Arc de Triomphe, c'est du jamais vu. Parce qu'il est sous l'eau. Il est sous l'eau. Les amis, j'espère que ça va vraiment pour vous. Ma Céline, je vais te faire plein de bisous. Vous avez parlé du loyer? Ils ont parlé du loyer? Non, j'ai aucune confiance en vous. Céline, est-ce qu'ils ont parlé du loyer? Je crois que oui, mais il dit tellement de bêtises que je ne sais plus. Le loyer dans un instant, 6h20. Le loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire à tout de suite. Calvin Harris, bon réveil à Céline, bon réveil à vous tous. On est parti jusqu'à 9h30. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. babe, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Vous tous, 6h13, bienvenue dans le Virgin Tonic. Merci de nous rejoindre, les copains. On est très, très, très heureux d'être avec vous. L'équipe est là aussi. Mais oui, nouvelle semaine. On vous accompagne jusqu'à 9h30. On pense à toutes les personnes qui ont un week-end très, très galère avec tous ces sinistres, toutes ces inondations, ces grèves partout en France. Et une autre info, tiens, aussi pour deux personnes qui ont passé un mauvais week-end. Oui, c'est ça. Je trouvais ça sur le site de Metro News. Deux stars de la musique qui se séparent. Ah, quoi, Jay-Z? Non. Taylor Swift, Calvin Harris. Ah bah ils étaient ensemble, ils étaient sur le point d'acheter un petit pavillon, ouais. Bah bim. Mince. Fini. Taylor Swift. Alors ils sont ensemble depuis 15 mois. Ouais. Ce beaucoup. Qui en termes de stars, ça fait quoi, 15 ans ouais. C'est ça. C'est énorme. 15 mois, t'es connu comme Taylor Swift et Calvin Harris, c'est énorme, ouais. Oui, Laure. On connaît la raison ou pas? Elle est avec DJ Bobo maintenant. Chihuahua. Chihuahua. Ta, ta, ta, ta, Chihuahua. Chihuahua. Un flash quoi. Chihuahua. Une rencontre, elle a tout lâché. Non, on sait pas du tout avec qui elle est, on sait pas du tout avec qui il est. En tous les cas, il n'y a pas de drame, ils s'entendent bien, ils sont juste séparés, ça marche plus, Clément. C'est des agendas, parce que quand il y en a un, c'est une star, l'autre, il peut suivre. Mais quand les deux, c'est des stars, ils ont des dates ailleurs dans le monde. Ouais, ouais. Et ils sont restés 15 mois, mais ils sont vus, ça se trouve, 5 fois. Ouais, c'est vrai. Nico du bureau. C'est dommage, c'est parti de ces couples. Ça faisait un beau couple. De ouais, ouais. Et ils étaient beaux. Tu vois, comme les bras d'Angela, on se dit, ah ouais, ils vont bien ensemble. Bah là, voilà, c'était pareil. Comme les Laure et Juju. Exact. Ça va, vous arrivez à gérer vos agendas, les deux. Ouais, écoute, on arrive à trouver des moments pour se retrouver aux quatre coins du c'est monde. Important. Ouais, c'est important. Le plus important, c'est d'avoir 15 jours où vous souffrez. Quoi. Évidemment. 15 jours par mois. Oui, bien sûr. 15 jours par mois. 15 jours, deux fois par mois. Ah, ouais, bien sûr. Les amis, restent avec nous. Sia, Cheap Reels, voilà ce qui arrive dans un instant. Ça, c'est pour le pop rock électro. Et on va prendre soin de vous, on va payer votre loyer à 6h20, comme on le fait chaque matin. En direct et en exclu, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. À tout de suite. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidé à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. C'est génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non. J'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah bah ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédits. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 1500. D'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Soche présente. Et tu sais quoi, je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez. Bah Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah super, j'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche Promo. Sache. Rapport Arcep 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Capture, le crossover ultra personnalisable et sa compile d'équipements. Airlink avec écran tactile, caméra de recul. Renault Capture est à partir de 169€ par mois, sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Capture Life Energy de TCE 90, LLD 49 mois, 40 000 km maximum, sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire, réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Chérie! T'étais en train de regarder la télé ? Hein ? Non, pas du tout, je... Tu regardais la télé ? Non, enfin oui, mais je regardais un film sur RTL 9, tu sais. Du cinéma ? Mais oui, enfin, tu sais bien, RTL 9, c'est plus de 100 films par mois. Bon, alors ça va. Quand ailleurs c'est de la télé, sur RTL 9, c'est du ciné. RTL 9 est disponible sur CanalSat, Orange, Bizz Télévision, Free, Bouygues Télécom, SFR et Numéricable. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça ? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Une météo bien plus agréable que la semaine dernière. Le soleil est de retour sur une bonne partie du pays. Des éclaircies plus ou moins généreuses. Ça pourrait se gâter un peu cet après-midi. Des averses orageuses sont à prévoir localement dans la moitié nord. Ce sera beaucoup mieux aussi côté température. Elle remonte nettement. 23 degrés pour Quimper et Évreux cet après-midi. 24 pour Le Mans et Amiens. 25 à Paris, Besançon et Pau. 26 pour Metz. 27 à Lyon. 28 du côté de Toulouse et d'Avignon. Bon réveil. Vous cherchez un endroit où vous sentir libre ? Virgin Radio présente le Sziget Festival. Le festival immanquable sur l'île de la Liberté. Au cœur de Budapest. Le Sziget, c'est le prix du meilleur festival européen. 400 000 spectateurs, plus de 80 artistes. Du 10 au 17 août 2016 avec Muse, Rihanna, David Guetta, Sia, Jane, Tarof Stella, Jess Glynn, Codeline, M83, Years and Years. Infos et réservations sur virginradio.fr et ziggetfestival.fr. Le Sziget Festival, forcément, un festival Virgin Radio. Dans Duotime, il y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec Duotime, le temps d'être deux est venu. Vous êtes seul, célibataire, séparé, divorcé? Appelez le 08 92 05 0403 pour faire la rencontre que vous attendez. Avec Duotime au 08 92 05 0403, rencontrez la personne qui vous fera rire, qui vous fera confiance et qui vous aimera et que vous aimerez. Duotime au 08 92 05 0403. Vous ne serez plus jamais seul. Euphonie à 34 centimes la minute. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio, le nouveau Red Hot Chili Peppers. Le nouveau Kygo. Sam Hunt. Le nouveau One Republic. Virgin Radio. Pop, rock, électro. Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. 6h20, excellent réveil à vous, bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic et nos bons blés, bienvenue. Alors il y a Clément, il y a la Pauline du Standard, bien sûr. Et puis surtout il y a un numéro. Loyer au 7-12-13, le SMS. Voilà comment vous inscrire pour gagner un mois de loyer, pour gagner le remboursement d'un mois de mensualité de crédit. C'est un beau cadeau qu'on vous fait. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 tous les matins. Nous, on n'attend pas 7h pour vous faire des beaux cadeaux. Eh oui, séjour au parc Astérix à gagner avant 7h, votre loyer avant 7h. Allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Fabien ? C'est lui-même. Salut Fabou, tu m'as envoyé un texto, tu m'as laissé ton prénom et t'avais envie d'avoir un beau cadeau. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Exactement, Virgin Radio, vous pouvez mettre un E comme Fabien si vous voulez, ça marche aussi. Fabien, mon bichon, tu fais quoi dans la vie ? Je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, et tu livres quoi ? Des colis, des petits colis à Chronopost. Ah. Oula, ça sent le dealer, ça. Bon, ça va pas, non. On peut plaisanter. C'est bon. Bon, Fabien, t'habites dans quel coin ? À La Garde, dans le Var, à côté de Toulon. D'accord, très bien. Et on connaît bien. Et mon Fabien, t'as un loyer de combien là-bas, dans le Var ? De 860 euros. Eh ben, on va te le rembourser, Fab. Ah, c'est énorme, j'y crois pas. Eh ben si, on va te le rembourser, on va te faire un chèque du montant, comme on va le faire toute la matinée, et tu seras même, Fabien, le premier gagnant de la semaine. Ah, c'est énorme. Ah bah là, c'est fait. Ça y est, c'est le premier. Il ouvre les hostilités. Fabien, ce restera el numero uno toute la semaine. Oui, Clément. Et juste pour la déconne, on te l'envoie par Chronopost. Tu vas te l'auto-livrer, c'est bien ou pas? Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais bon, c'est de passer aux heures où t'es chez toi. Hein. Et Fab. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des trucs en vrai, alors c'est plus les centres de tri, mais est-ce qu'il y a des trucs que vous avez retrouvés dans les paquets de Chronopost quand même un peu insolites que les gens s'envoient entre eux ou quoi? Oui, honnêtement. Vas-y, dis-moi des trucs un peu bizarres. Je rappelle, si vous nous rejoignez, Fabien vient de gagner son loyer et il a trouvé des trucs, ce qui est normal, des trucs un peu bizarres qu'on s'envoie par colis. Ouais, surtout pour les femmes, on retrouve souvent des sextoys ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu, c'est bizarre. Bah en fait ça vibre. Ouais, voilà, ouais. Bah, normalement on ouvre pas les colis, mais des fois ils ouvrent devant nous et c'est la surprise quoi. Ah, ils ouvrent devant nous. Ah ouais. Ouais. Pas froid aux yeux, hein. Oui, Laure. Mais c'est quoi le cas justement où on ouvre le colis? Bah pour vérifier que tout soit en bon état. Pour vérifier, voilà, c'est ça. Achète un sextoy à un certain prix, tu vérifies devant le livreur, être sûr qu'il soit pas cassé ou quoi. Non, je veux dire Chronopost, voilà. À quel moment ils ouvrent pour mais vérifier? Mais non, ça c'est les centres de tri. Mmh. D'accord. Non, il le dit Fabien, c'est quand les clients ils ouvrent devant toi, sinon c'est à la poste. Voilà, c'est ça pour vérifier si le colis il est bien. D'accord. À la poste, évidemment, pour vérifier qu'il n'y a pas de quoi, c'est qu'ils prennent plein de colis au hasard, qu'ils ouvrent et qu'ils referment, mais pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. Et ils ont bien raison de le faire, oui Nico. Mais souvent c'est un colis discret, donc quand tu ouvres le truc, généralement c'est ah, mais j'ai pas du tout commandé ça. Quoi. Mais je vais le garder quand même. Voilà. Voilà, c'est crampe au visage ça. Que j'avais, ça m'a vraiment aidé. Tu dis quoi Fabien? La phrase qui revient souvent, c'est j'ai rien commandé. Génial. Bon Fabien, je suis ravi de te faire ce cadeau. Donc 860 €, ça y est, les hostilités ont démarré. Ça y est, le premier loyer est gagné. Le prochain, c'est dans une heure. S'il y a tout de suite Cheap Thrills, vous êtes dans le Virgin Tonic. Je vous souhaite un excellent réveil à tous. Hi, this is Tia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Excellent réveil à vous tous, c'est le Virgin Tonic. Et c'est lundi, courage pour ceux qui redémarrent cette nouvelle semaine. Peut-être déjà réveillé, peut-être déjà dans votre voiture, en train de partir au boulot. On est là avec Laure, avec Clément. Bonjour. Avec la popo du standard, avec l'actu aussi qui arrive dans quelques minutes à peine, à 6h30 comme tous les matins. Et juste après 6h35, le réponse à tout. Quand Clément descend dans la rue, poser des questions aux enfants en Kawé, bien sûr, ce week-end. D'ailleurs, il y a eu un truc qui s'est passé, je sais pas si vous avez vu ce truc-là, au Mont-Saint-Michel. Oui. Il y a des touristes qui ont garé leur voiture, oui. D'accord, pour aller le visiter. C'était marée basse. Oui. Ils sont allés visiter le Mont-Saint-Michel et quand ils sont redescendus, bah, c'était marée haute. Mais oui, mais c'est des touristes parce que c'est marqué partout au Mont-Saint-Michel. Oh là là. Bah, oui. Ah, c'est marqué partout. Bah oui, tu le sais que ça monte le Mont-Saint-Michel et que ça descend. Bah, il faut être tout un touriste. Monde. Ouais, moi, je savais pas. Hein. Piège bah, de ouais. touristes. Si, si, si, tu sais, mais bon, là, c'est quand même quand tu redescends et que tu dis, mais on nous a volé la voiture. Ah non, elle est sous l'eau, Jean-Louis. Et là, c'est horrible. La single. Tu vois, c'est tu viens foutu. De faire des petites ampleurs. Ah, ben je pense, ouais, je suis ah, pas. Oui, ouais. Bah oui. À mon avis, elle est difficile à récupérer. Mm-mm. À quel moment vous sentez un touriste quand votre voiture est sous l'eau, vous avez pas pensé à la marée haute. Clairement. Ok. C'est, t'appelles marche. Des pannes touristes. Mais vous, à quel moment vous le sentez, Clément? Quand je m'arrête devant un concert gratuit organisé par la mairie, c'est dans n'importe quelle ville et que je fais ah, c'est pas mal. comme c'est gratuit, je reste. Alors que souvent c'est nul, mais comme c'est gratuit, je reste tout le concert. Parce que je suis un touriste. Moi, si je trouve, et on se reconnaît d'ailleurs dans la rue, c'est quand t'as le plan de la ville, mais de l'hôtel. Ah oui. Ah, dans clair. Tous les hôtels, il y a le plan de la ville et que tu te croises et que t'as un plan de l'hôtel avec le concierge qui t'a dit ah, allez manger là, c'est très bon. Pas parce que c'est mon cousin, hein. Vraiment parce que c'est très bon. Laure. Moi, quand j'arrive en Corse en été, je fais toujours un petit tour à l'office du tourisme pour voir quelles sont les salut activités. Salut les filles. Je suis de retour. Ça va, ça va. Non, pour voir ce qu'il y a comme activité sympa à faire pendant l'été. Ah, mais c'est la maman, ça. Eh oui, en gros, c'est toujours un peu les mêmes et on aime bien aller à l'office du tourisme. Ouais, alors, quoi de neuf? Rien. Alors, tu es à la Croix-Branche? Ah, il y a la Croix-Branche. Super. Ah, bah, c'est un vrai truc d'été, ça. À quel moment tu sais que t'es un à quel moment tu te sens, mais vraiment touriste numéro un? C'est, tu sais qu'à ce moment-là, tu fais pas partie des gens du coin. C'est quoi pour toi, ma Lucie? Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Et on va bien. Pas mal, la Lulu. Et toi? Ça va super bien. Alors moi, ce que là où je me sens vraiment la touriste number one, c'est quand je pars en vacances et que je monte dans le petit train qui fait visiter la ville. Ah, voilà. Pauline, voilà, le petit train. Comment il s'appelle? Le petit train. Il n'y avait pas un nom. De quoi? C'est pas le toi qui as donné un nom au petit train qui fait le tour de la ville? Bah pas du tout. Non, c'est moi, le train de couillon. Ah mince. Ah. Mais je voulais pas le dire. Attendez, il vient de m'arriver un truc. Quoi donc? Ah, tu viens de te rappeler? Non. Si je viens de, tu vois, je viens de te confondre avec ma chérie. C'est ma chérie qui dit train de couillon et j'ai cru que c'était toi. Ok, et bah c'est le moment gênant de la matinée. Crois-moi, il y en aura beaucoup d'autres. 19h30. Non, mais je viens de me rendre compte, je voyais que tu me comprenais pas, mais en fait, c'est ma chérie. Pas du tout. Train de couillon, on appelle ça. Ouais, par contre, j'ai sorti la machine, je l'ai étendue. Ah, mais merci, attention. Voilà, à quel moment tu te sens un touriste, toi? Salut, poteau. Salut les amis, moi je me sens un touriste. En fait, dès que je pars dans une ville à l'étranger, j'achète un t-shirt avec écrit j'aime Barcelone, j'aime Berlin. Oh. Et du coup, je me balade avec dans la rue. Par contre, dès que je rentre chez moi, ça me sert de pyjama, clairement. Ah, le fameux hiker quelque chose là. Yes, c'est ça. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça. Tous les trucs que vous achetez, c'est pareil. Les trucs que vous achetez, les souvenirs et tout, c'est marrant. Comme quand vous les achetez, je sais pas, moi je suis mal à New York, mais à New York ou quoi, ça a une valeur de dingue. Et à peine l'avion atterrit, exactement. Retour en France, ils ont plus aucun intérêt. Ouais, c'est fou, hein. Laure. Mais alors, si tu veux, j'en ai plein à te donner. Parce que là, dans mon déménagement, j'ai retrouvé I Love Rome, I Love Venice. Enfin, j'ai retrouvé tous ceux que je ramène. Ouais. Parce que moi, j'avais une tradition avec ma fille, je lui en ramenais de chaque endroit où j'allais. Et donc j'en ai plein. Donc je peux te les filer, mais. Si bah écoute, Paul, il a pas l'air emballé, Paul. T'as fait un bon coup, Paul, hein? Ouais, non, mais moi je préfère les acheter moi-même une fois mais que je suis là. Bon, bah, tant pis, j'ai essayé de les refourguer. Mais... Désolé. Surtout que Laure, le I Love Paris s'appelle encore I Love Lutèce. Oh. je te cache pas qu'il a quelques années. Hein. Lucie, je t'embrasse, ma belle aussi. Reste avec nous 6h30. On fait un point sur l'actu tout de suite. 60 journalistes partout en France qui se réveillent à vos côtés pour vous préparer des infos qui vous concernent vraiment. On les écoute tout de suite. Et c'est les frérots de la Vega qui arrivent dans un instant pour le pop rock électro. Excellent. Bon réveil à vous tous, merci de nous avoir choisis. Info Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, le beau temps de retour sur une bonne partie du pays, des éclaircies plus ou moins généreuses, mais du soleil quand même. Quelques averses orageuses possibles cet après-midi dans la moitié nord. Le mercure est en hausse, 23 degrés pour Quimper et Évreux cet après-midi, 25 à Paris et Pau, 28 pour Toulouse et Avignon. Quelques 7800 foyers toujours privés d'électricité hier soir, 14 départements en vigilance orange au risque d'inondation en Ile-de-France, dans le centre et en Normandie, mais la situation situation s'améliore. La Seine poursuit sa décrue. La montée des eaux du côté de Rouen a finalement été limitée. L'heure est maintenant au nettoyage et au bilan. Les dégâts sont estimés à plus d'un milliard d'euros. La suite du bras de fer entre le gouvernement et la CGT sur la loi travail. Sixième jour de grève à la SNCF et une réunion de la dernière chance pour trouver une issue au conflit. Un mouvement de plus en plus impopulaire. 54% des Français désapprouvent la poursuite des grèves selon un sondage BVA. Les conditions de trafic vont s'améliorer légèrement. 6 TGV sur 10 aujourd'hui, même chose pour les TER et un intercité sur 3. En Belgique, une collision entre deux trains a fait 3 morts et une quarantaine de blessés hier un peu avant 23h. L'accident s'est produit entre Namur et Liège. Un train de voyageurs a percuté un train de marchandises qui était à l'arrêt sur la même voie. C'était le titre qui manquait à sa carrière après 12 tentatives à Paris. Novak Djokovic a finalement remporté Roland-Garros pour la première fois hier en s'imposant en 4-7 en finale face à Andy Murray. 4 grands chelems d'affilée, seuls 2 joueurs l'avaient fait avant lui. La France aussi victorieuse. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté le double dames face aux Russes, une première depuis 45 ans. En football, la sélection nationale de Roumanie est arrivée en France hier. Premier entraînement dans le sud de l'Oise où ils ont établi leur quartier pour l'Euro 2016. Les Roumains qui seront les premiers adversaires de la France vendredi à Saint-Denis. Les Bleus, eux, ont reçu François Hollande à dîner hier soir à Clairefontaine. Le chef de l'État est reparti avec le maillot du numéro 24 dédicacé. Il y avait du rugby hier soir, 26e et dernière journée du top 14. Toulon et Clermont se sont qualifiés pour les demi-finales. Montpellier, Castres et Racing 92 Toulouse devront eux passer l'épreuve des barrages samedi et dimanche. Et puis en basket, deuxième match de la finale des playoffs de Pro A ce soir à Strasbourg. Lyon-Villeurbanne va tenter de prendre sa revanche face aux Alsaciens après sa défaite samedi. Match à partir de 20h30. Très bon réveil à tous à notre écoute. Vous tous, bienvenue sur Virgin Radio, 6h34, toute l'équipe qui est réunie. Oui. Nouvelle semaine qui débarque en votre compagnie, nouvelle semaine qui démarre même. On va être là tous les matins, 6h, 9h30, du lundi au vendredi. On est très heureux de vous retrouver. On va vous donner beaucoup de courage, on va prendre soin de vous tous les matins avec Laure, avec Clément, oui, avec la Popo, bonjour, avec des beaux cadeaux aussi. Des séjours au parc Astérix à gagner avant 9h. Des séjours en Guadeloupe. Ouais. Valeur près de 5000 euros, un séjour en Guadeloupe à gagner cette semaine encore. Et puis si vous aimez aussi Breakbot, on va vous les faire rencontrer. Breakbot, Feder, Mark Ronson. Mark Ronson ? Ouais, il réalise. C'est un truc de dingue. Ah ouais. Lily Wood and the Prick, on les adore. Vous rêvez de rencontrer tous ces artistes, de passer une soirée fantastique avec eux. Eh bien, c'est à gagner dans un instant. Et oui, avant cette heure-là, dans quelques minutes à peine, appelez-nous au 3916. Vous repartirez avec votre séjour pour deux personnes pour le Axbot Festival. C'est trop cool. Ouais. Génial. C'est trop bien. Festival de musique, bateau pour ceux qui aiment les bateaux et de l'axe pour Saint-Tirbonne. C'est ça. Vous sentez bonne sur un bateau et sur un dansam. C'est le Axbot Festival, les amis. C'est à gagner. Tout frais payé dans un instant sur Virgin Radio. N'hésitez donc pas à vous inscrire. Et tout de suite, c'est le réponse à tout de Clément. Juste après, on écoutera les frérots de la Vega, le chant des sirènes. Tonique. Réponse à tout. Clément est descendu dans les rues une nouvelle fois. Il pose des questions uniquement aux enfants. Et on a essayé de répondre à une question qu'on se pose depuis longtemps. Qui sont les plus intelligents, les garçons ou les filles? Par contre, on n'a pas de réponse à pourquoi il y avait un hélicoptère derrière. Moi, je suis plus intelligent parce que les filles, ça regarde des dessins animés et les garçons, ça regarde Titanic. Alors, les garçons font plus de blagues, ils ont plus de choses à dire. Bah, moi, il n'y a pas de plus intelligent ou pas. Parce qu'elles sont plus gentilles, elles jouent beaucoup. Eux, ils aiment plaisanter et nous, on n'aime pas plaisanter. Est-ce que tu serais pas un peu amoureux, toi? D'une fille qui s'appelle Jade. Elle est bonne en classe, déjà. Elle est bonne en blagues, elle peut beaucoup rire. Et elle est beaucoup joueuse. Et elle est belle. Parce que les garçons, parfois, ils révisent pas. Et que les filles, eux, ils révisent tout le temps pour avoir des bonnes notes. Les filles peuvent danser et en même temps chanter. Nous, les garçons, on est des flemmards. Les filles, elles sont plus intelligentes parce que les garçons, ils font plus de sport que les filles. Et les filles, elles révisent plus. Parce qu'elles croient que vu que c'est des filles, elles sont intelligentes. Moi, je proteste et je dis que les garçons sont plus intelligents que les filles. Parce que les filles, elles pensent qu'à faire leur chipie. Bleu, réponse à tout. Merci les enfants, jouez le jeu chaque matin. 6h36, les frérots de la Vega. On se retrouve dans un instant avec vos places tout frais payées pour aller sur le Axbot Festival. C'est Virgin Tonic. Ne bougez pas. Virgin Tonic. Et le chant des sirènes me replonge en enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes reviennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Excellent réveil à vous tous, les amis. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Virgin Tonic. On est là tous ensemble. Oui, oui, oui. 6h et jusqu'à 9h30. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage. Je sais qu'il y a des collégiens, des lycéens, là, en pleine période de révision. Une vraie galère. J-9 avant le bac. Oui, dernière ligne droite. Les parents stressent encore plus. Courage à vous tous, les amis. D'autres sont déjà en route pour partir bosser. On est en tout cas avec vous tous les matins. Et tous les matins, on va vous envoyer sur le Axbot Festival, faire la fête en août, ça se passe à Nice. Alors on en entend parler depuis longtemps, c'est que c'est une des plus grandes soirées en France tous les étés, avec des artistes géniaux. Et ben vous y serez peut-être. Tous les matins, une personne sera retenue. Ce matin, c'est Benjamin et Estelle qui vont s'affronter. Salut tous les deux. Salut les amis. Ma petite Estelle, t'es d'où? Moi, je suis de l'Est de la France, du Grand Est, de Strasbourg. Strasbourg. Et toi, mon petit Benjamin? Et moi, je suis du sud de la France, Montélimar. Montélimar, bien sûr. Eh bien, écoutez, les copains, tous les deux, parmi, il y en a un qui va repartir avec ses passes pour deux personnes pour le Xbox Festival. C'est en août. C'est en août et c'est à Nice, donc. Hein. Oui, on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que je l'offre ce matin. Hein. Ah, je me mets un petit peu, je vais m'halluciner. Vous imaginez, il y a même Mark Ronson qui va être là en concert. Et bien, c'est parti. Vous allez vous départager avec le blind test. Virgin Tonic. Blind test sur Virgin Radio. Le principe est simple. Vous allez jouer chacun votre tour. On va bien sûr commencer par toi, Estelle. Normal, politesse Merci. Oblige. Ma petite Estelle, en 30 secondes, je vais te passer des morceaux. Il faut que tu retrouves le maximum d'interprètes. Ok, ça roule. Quand t'as pas, tu passes. Quand tu penses avoir, tu me proposes. Ça marche. Ok, on y va, c'est parti. Je te souhaite bonne chance. 30 secondes, Estelle. Ça démarre. Attends. Facile. I got this feeling inside my bones. Ah, passe sinon passe, hein. Non, de Justin Timberlake. Oh là, c'est bon. Ouf. The Avenger? Pas du tout. C'était Milky Chance. Ah, merde. Facile, on en a parlé de lui il y a deux secondes. Ah non, c'était Calvin Harris. Ah merde. On a une seule bonne réponse. En 30 secondes. Ben non, parce que tu reconnaissais les trucs, mais voilà. Mais oui, mais tu danses dessus, mais tu sais plus comment il s'appelle. C'est pas simple. Mais tu, voilà, tu reconnais, tu dansais dessus, mais il faut retrouver les titres. Il y avait quand même Milky Chance, c'est pas simple. Calvin Harris, c'était le dernier. Et le premier, tu l'as reconnu au bout d'un petit moment, c'était Justin Timberlake. Ouais. Une seule bonne réponse pour ce blind test de 30 secondes. Si Benjamin fait mieux que toi, c'est lui qui partira sur le Xbox Festival. Benjamin ? Oui ? Est-ce que tu te sens prêt ? Allez, c'est parti. On y retourne, je rappelle. Je mets le titre. On cherche l'artiste. Tant que tu l'as pas, on garde le morceau. Et c'est qu'une fois que tu as trouvé ou que tu passes, qu'on change de morceau, d'accord ? Ok, c'est bon. Je te souhaite bonne chance, Benji. On y va, premier extrait. Je passe. Je passe. Ah ! C'est pas les noms. Je passe aussi. Mais c'est pas possible, c'est facile. Je passe. Oh non, Coldplay quand même. Je connais, hein, mais je passe. C'est qui ça? Ça, c'est mon cousin. En fin de soirée, il chante exactement comme ça. Oh, mais c'est pas vrai. Quand même, hé, j'aurais pas cru. Écoute bien, on t'a quand même mis, quand je vais te dire les noms, tu vas dire, mais c'est pas possible d'être passé à côté. On t'a mis Kenji. Kenji. C'est facile, Kenji Girac. On t'a mis George Ezra. On t'a mis les Maroon 5. On t'a mis Coldplay. On t'a mis Major Lazer et on t'a mis. Lazer. Chez moi ça. Major Lazer. Et on t'a mis Louane et t'en as pas retrouvé. Benjamin, t'as fait zéro. C'est Estelle qui gagne ce matin. Bravo ma chérie. Bravo. Oui ma chérie, t'es de retour ? Ouais, je suis bien là, bien sûr. Très bien, bah quand tu démarres lundi matin avec le standard qui marche pas en général, ça va être une belle semaine sur Virgin. Mais par contre, je serais passé en deuxième, je les aurais tous su. Ah oui, bah oui, bah c'est toujours comme ça quand on n'a pas la pression. En tous les cas, t'as eu une bonne réponse. Je sens qu'il va y avoir un gros niveau chez nos auditeurs cette semaine. Oui. C'est tous les matins que vous allez retrouver le blind test qui vous envoie sur le Axbot Festival. Et donc avec un point, une bonne réponse, c'est Estelle qui part. Oui Clément. Et Estelle a la particularité d'être mauvaise gagnante parce que même en gagnant, elle dit oui mais si je t'ai passé deuxième. Benjamin, on va quand même te faire des beaux cadeaux, mon poteau. Estelle, on t'embrasse. Félicitations. C'est donc toi qui pars sur le Axbot Festival. Tu vas applaudir Breakbot, Cassius, mais qu'est-ce qui m'arrive? Lilywood and the Prick, transport, hôtel, passe VIP compris. Toutes les infos sur axbotfestival.fr. 6h44. Excellent réveil. Et Zara Larsson tout de suite sur Virgin. Hi, it's Zara Larsson on Virgin Tonic. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh. Virgin Tonic. Merci de nous avoir choisi les amis. On est parti jusqu'à 9h30 et surtout tous les matins du lundi au vendredi. L'équipe est là bien sûr. Oui. L'équipe, alors on est reparti pour une semaine tous ensemble au bureau. Ouais. Et alors je suis content parce que, et vous tous qui nous écoutez, qui êtes peut-être déjà au travail, qui êtes sur la route, sachez qu'en France, presque 50%, 46% des travailleurs sont déjà tombés amoureux ou amoureuses de leurs collègues. Ouais. Ah bon, tu passes du temps avec, tu t'énerves avec, après tu te réconcilies un peu, c'est un peu une histoire d'amour. Moi, ça m'est arrivé. Vous choisissez bien où vous allez bosser. Ah, et oui, c'est ça. Eh ben oui, les amis, puisque apparemment, là, si vous allez à un endroit où il y a plutôt des jolies filles, vous aurez quand même 50% de chance qu'un jour ou l'autre, elle tombe amoureuse d'un collègue de travail. Peut-être vous. C'est fou. Alors, c'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois même. À toi, c'était avec le partant de ton ancien resto, non? Il y a eu ça. Bon, je vais pas raconter toutes mes histoires, mais il y en a eu pas mal. Mais autant dire, j'ai pêché au boulot souvent. J'ai pêché au boulot. Je peux pas vous en dire plus, Nico, pardon. Il y a une personne sur trois, je crois, qui se marie avec quelqu'un du boulot. Et puis après, il y a aussi plus d'une personne sur trois aussi, qui, je crois, se défait et refait au boulot. D'accord. Enfin, tu vois, voilà. Vous bossez pour l'Institut de sondage, c'est clair. Une personne sur trois. Moi, je vois ça. Une fois des sondages, c'est qu'une personne sur trois fait ça. C'est que ça, que ça. Oui, Pauline, standard. Ben moi je pense que c'est pas bien parce que tu te vois au boulot, à la maison, c'est bon quoi, faut arrêter un moment. Exactement. Et quand t'es routier que tu fais des trucs seul, Il y a des autostoppeurs. Ah ouais. Ça se trouve, c'est un collègue un peu. Tu sympathises, un collègue de travail, c'est vrai. Les amis, Kungs, This Girl, voilà ce qui va arriver dans un instant dans le Virgin Tony. Je vous souhaite un très très beau réveil. Bientôt 7h, bientôt là-dessus, bientôt bien sûr à 7h20, un nouveau loyer à gagner. Restez dans le coin, le Virgin Tony en direct tous les matins. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. 5 jours à Londres, 320 euros. 320 euros, le voyage d'affaires, c'est pas cher. Ah non, ça c'est le surcoût sur ma facture de téléphone pro à l'étranger. Non, t'es pas chez SFR Business? Pour 1 euro de plus par mois, je peux utiliser mon forfait en Europe comme si j'étais en France. Ah bah mon prochain rendez-vous pro, je pars avec SFR Business. Avec SFR Business, pour 1 euro de plus par mois, utilisez votre forfait en Europe comme en France. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Pour vos communications depuis l'Europe vers l'Europe, avec l'option Roaming Europe, offre de la société SFR soumise à condition, détails sur sfrbusiness.fr. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Et voilà Valérie qui rentre, elle sort les courses et oh là là, elle surprend tout le monde avec ses verdures Alex aux couleurs des capitales d'Europe. Une exclusivité Carrefour en édition limitée. Absolument. Jusqu'au 18 juillet, pour 30 euros d'achat chez Carrefour, le verdure Alex est à seulement 1 euro. Et demain, c'est Lisbonne et Londres. Ah, une collection comme ça, il faut pas la rater. Jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, collectionnez les verdures Alex 100% made in France. Le verre est à seulement 1 euro par tranche de 30 euros d'achat. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. France. La France is in the air. On la reconnaît à des kilomètres à la ronde. Éventail fleurs de lotus, lunettes de soleil et robe col Mao, la française en Chine a décidément de l'allure. Ni hao, bonjour. Air France. France. La France is in the air. Avec Air France, découvrez Shanghai au départ de Paris à partir de 498 euros aller-retour, tout compris jusqu'au 8 juin. Tarif, offre de service, coût de départ du 20 août au 4 décembre 2016. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Michelin 16 pouces à 79 euros seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot de l'équipe de France de football pour 1 euro de plus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Je suis fier d'avoir eu le meilleur taux pour mon crédit conso. C'est quoi ces photos dans le salon? Ah. T'as remplacé notre photo de mariage par des photos de toi à la banque postale. Toi devant le bureau de poste, toi en selfie avec un conseiller. Normal, à la banque postale, j'ai trouvé le meilleur taux pour notre crédit conso. Alors oui, j'en suis fier. Le meilleur taux? Oui, je te le garantis, j'ai eu le meilleur taux. Mais en fait, il est pas mal ton conseiller. Jusqu'au 25 juin 2016 à la banque postale, profitez d'une offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux et projets. Pour plus d'informations, renseignez-vous vite en bureau de poste sur labanquepostale.fr ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute, plus prix de l'appel. La banque postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la banque postale financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La banque postale intermédiaire de crédit du prêteur. Virgin Radio. Virgin Radio. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari et même un défi. Si je reviens, ce sera debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Lundi 6 juin, aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous, que cette semaine va bien se passer. Nous, en tout cas, on s'occupe de vous, on s'occupe même de tout. Entre 6h et 9h30, montez dans votre voiture, prenez votre douche et on sera là au rendez-vous tous les matins avec Laura, avec Clément, avec Bonjour. Pauline. Coucou. L'actu dans un instant, à 7h, juste après, enfin, la question de ouf. Pendant tout le week-end, vous avez laissé vos messages sur notre répondeur. Peut-être que vous êtes en train de vous lever. Juste là, tout juste à l'instant. Et ouais. Le premier truc en ce moment, encore plus, c'est de regarder la météo. Ah, oui. Et la même tous les jours. On dit qu'on regarde un replay tous les jours de la météo. C'est exactement ça. Genre sans fin. Ah, c'est dur, hein, avec Clément. Alors que quand t'es en vacances, t'as pas ce problème. Tu vois, moi je me dis, vivement cet été, bah non, tu sors, tu peux revenir chez toi, tu te rhabilles, tu te changes. Là, tu prépares. Moi je sais que ce matin, je me suis préparé en me disant, alors s'il pleut cet après-midi, est-ce que je mets un blouson, est-ce que je mets un pull? Tu sais pas. Est-ce que je mets... En vacances, t'as pas ce problème. Ah ouais. Moi je suis content, moi je vais vous dire un truc. Hier après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la finale de Roland-Garros à la maison. J'ai fait une sieste. Normal. Ouais. J'ai fait ta sieste devant Roland-Garros. Mais pour les pros de la sieste comme moi, elle vaut pas celle du Tour de France. C'est clair. Je sais pas vous dire, t'as pas la même saveur. Tu fais une sieste, tu te réveilles, hop, ah bah tiens, Djoko a mis 2-7. C'est pas pareil. Ouais. Y a pas la même saveur. Une sieste devant le Tour de France, ça vaut toutes les siestes du monde. Nico du bureau. Oui, tu te réveilles quand il y a une échappée. Alors, généralement, tu t'endors quand il se passe rien. Et généralement, il commence à commenter un petit peu les églises. Ouais. Ah ouais, en hélico là. Voilà, nous arrivons là où la femme de Poitou a été couronnée, bien sûr. Oui, Clément. Est-ce que vous êtes pas juste impatient d'être en vacances en fait? Parce que c'est que des trucs de vacances. Ah ouais. On lance un hashtag. C'est quoi? On lance un hashtag tout de suite. Musique du hashtag. Vous me dites si j'en fais trop. Oui, c'est ça, un petit peu. Hashtag vivement les vacances pour. Pourquoi est-ce que vous êtes pressé d'être en vacances? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous allez retrouver? Voilà, on va déjà se mettre. On est à 3 semaines, 1 mois du début voilà, des vacances. Pour beaucoup, ce sera un peu avant. Hein. On disait J-9 avant le bac. Là, ça va arriver très vite les vacances, les amis. Bon, là, c'est galère, c'est les révisions. Pourquoi est-ce que vous êtes pressé d'être en vacances? Ouais. La sieste. Devant le Tour de France, c'est magnifique. Être en short toute la journée. Ouais. Être en short, c'est pas génial. Ah, si, c'est mieux, moi. C'est quoi? Pute de voix! Ah oui, c'est vrai que t'es en quatrième. C'est vrai que tu suis un cursus de ton côté, toi. Bah oui. Non, pour ta fille et tout. Bah oui, plus de devoirs. Non, mais le rêve absolu. Rien. Mais est-ce que tu l'emmènes en, allez, quand même en vacances avec un passeport? Ça va pas, non. Alors ça, moi, je suis contre. Ah ouais? Les vacances, c'est les vacances. Ah ouais, alors moi, mes parents, ils m'ont traumatisé avec les passeports. Vacances, vacances. On comprend bien, un passeport, le truc pour faire les devoirs. Oui, bien hein. sûr, si vous allez bien à l'étranger, sûr. Prenez un passeport quand même. Ça, si vous allez galérer, quoi. Oui, Nico. Je voulais revenir sur ton short, deux secondes. L'été, où est-ce que tu mets tes clés et ton portable? Tu sais, il y a toujours le truc, quand t'es en short l'été, généralement, tu sais jamais mettre où te mettre tes clés, ton portable et ton portefeuille. En fait, c'est assez fou maintenant. Il y a des 2-3 shorts qui font avec des poches. Ouais, je te montrerai les modèles, mais il y en a genre, j'ai peut-être un million de modèles. Pour déjà, essayer de mettre ton portefeuille, ton portable et tout, t'as ton short qui pend à droite. Tu mets des shorts un peu treillis, donc il y a en plus des poches. Ah, tu mets ça ? Donc il y a la poche là pour le portable et puis il y a la poche sur le côté là, après de la fin, oh là, là où tu mets le portefeuille et tout. Ah mais les vacances, moi je suis en abandon vestimentaire. Déjà l'année, mais alors en vacances c'est pire. Pauline ! Moi c'est pour lire. Ça fait 6 mois que j'ai pas lu un livre là. Et donc l'été je pars toujours avec un gros bouquin. Bon, ça finit en closer et en mots croisés, mais je pars avec un gros bouquin. Tu pars avec des bonnes intentions. Ah ouais, je suis à fond. C'est vrai que c'est le moment où t'as un peu envie de lire. Oui, Clément. Moi j'ai hâte pour bosser dans la boutique de ma sœur en fait. L'été je fais ça, je la dépanne et du coup je croise des gens. Parce que je vous adore, mais du coup nous on se voit que nous l'année. Ouais. Allez, là au moins je croise des nouvelles personnes. Ah bon ? Ouais. Bon, on passera. Salle de l'ONE, rue Travaux. Mais c'est vrai, tu fais quoi ? Tu vends ? Ouais, une fois je suis dans la boutique, je conseille quoi. Mais c'est quoi une boutique d'habits ? Vêtements et bijoux. J'aimerais trop voir ça. Qui conseille en vêtements ? Bah non, mais en fait, comme c'est que des vendeuses, ma soeur elle me dit c'est bien. Quand il y a un garçon qui est là, il fait ah, mais ça vous va bien. Les femmes elles y croient. Mais je te jure que c'est vrai. Tu conseilles en vêtements ? Bah oui. Mais c'est génial, oui, Pauline. Il est pas en train de nous dire qu'il en a marre de nous, lui ? Bah je sais pas. Il y a un message quand même qui est passé. Martial est avec nous au 39-16. Martial. Je vais salut te demander. Salut mon poteau, je vais te demander avec nous de lancer ce hashtag. Le hashtag ? Oui. Vivement les vacances pour. T'es impatient d'y être pourquoi toi mon poteau ? Alors, vivement les vacances pour retourner chez mes parents. En mode régression à 300%. Je traîne en caleçon et j'entends à table. Pareil, ah ouais, moi c'est pareil chez ma mère. Je suis tout le temps chez ma mère tout l'été et je traîne à table et j'entends en caleçon. C'est très bizarre, oui Clément. Si vous voulez ces caleçons là, on les a en rouge et en 42. Anne, pourquoi est-ce que t'es pressée d'être en vacances? Il y a un téléphone qui sonne, apparemment. Ah, c'est mon réveil. Ah oui, non. Eh ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Laure vient de se réveiller à 7h. Elle est là avec nous depuis 6h. Mais Laure, elle se met à réveiller à 7h. Une fois qu'elle se sont endormie pendant les infos. Bah, c'était mon réveil du week-end. Eh ben, j'ai bien compris. On réveille du week-end, mais il est à 19h. Il est pas à 7h. Anne, ma chérie, pourquoi t'es pressée d'être en vacances? Salut tout le monde et bravo Laure de se réveiller à 7h. Dis-moi alors tout, moi, Anne. Je suis très très pressée d'être en vacances pour retourner au camping de la Pinède parce que je connais tout le monde. Je vais pouvoir refaire de l'aquagym, jouer à la pétanque avec les papy mamie, refaire les petits jeux apéro. C'est génial, c'est juste ça la vie quoi. Bah, moi je suis pareil, quand j'ai un endroit où j'aime bien aller en vacances, j'y retourne tous les étés. Oui, Laure. Est-ce que tu joues au bingo? Ouais, j'adore. J'adore. Vous voyez toutes ouais. les... On va partir ensemble, je crois. Ben bah, pour... vraiment, c'est le bon plan. Eh bah, ben écoutez, on va organiser des petits séjours troisième âge là qui se montrent. Vous partez en minibus à Lourdes. Vous allez vous régaler. Vous allez faire connaissance, les filles. Je vous embrasse, Anne. Bisous, ma belle. Bisous à Martial aussi qui est là. 7h01, les amis. Restez là sur Virgin Radio. Dans un instant, Kungs qui arrive pour le pop rock électro. On a juste un point à faire sur l'actu, Clément. Je vais aller sous la douche alors. Il va maintenant. Et Laure est réveillée les amis. Là je peux vous dire l'émission va prendre un autre niveau. Ne bougez surtout pas. Info Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, il revient timidement du soleil aujourd'hui sur la plupart des régions, en tout cas des éclaircies, mais le temps deviendra un peu instable cet après-midi, peut-être des averses orageuses sur la moitié nord. Côté Mercure, ça remonte jusqu'à 24 degrés pour Laval et Amiens cet après-midi, 25 à Paris et Besançon, 28 pour Toulouse et Avignon. Et ce matin, 14 départements sont toujours en vigilance orange au risque d'inondation en Ile-de-France, dans le centre et en Normandie. La Seine poursuit sa décrue et la montée des eaux du côté de Rouen a finalement été limitée. 7800 foyers étaient toujours privés de courant hier soir. C'est la désolation pour des milliers de sinistrés qui retrouvent depuis quelques jours leurs habitations totalement dévastées. L'heure est maintenant au nettoyage et au bilan. Les dégâts sont estimés à plus d'1 milliard d'euros. À la une de l'actu aussi, la grève qui se poursuit à la SNCF. Les prévisions de trafic s'améliorent un peu, environ 6 TGV sur 10, même proportion pour les TER et un intercité sur 3. Les négociations avec les syndicats vont reprendre aujourd'hui. Objectif pour le gouvernement, désamorcer le conflit sur la loi travail à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro de football. Une grève qui se profile également à Air France et une journée de mobilisation est prévue le 14 juin. Au moins 3 morts et une quarantaine de blessés, bilan d'une collision hier soir en Belgique entre Namur et Liège. Un train de voyageurs qui roulait à une vitesse élevée a percuté un train de marchandises à l'arrêt sur la même voie. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'accident. Interdiction de manger et de boire du lever au coucher du soleil, début du ramadan aujourd'hui pour les musulmans. Un jeûne qui va durer un mois en plein Euro de football. François Hollande a dîné avec les Bleus hier soir à Clairefontaine. Le président de la République, grand fan de foot, est allé encourager les hommes de Didier Deschamps à quelques jours du coup d'envoi de la compétition. La France affrontera la Roumanie vendredi à Saint-Denis en match d'ouverture. En tennis, Novak Djokovic est entré dans l'histoire hier en remportant pour la première fois de sa carrière le tournoi de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial s'est imposé en 4-7 et un peu plus de 3 heures de jeu face au Britannique Andy Murray. Le Serbe est devenu le troisième joueur à remporter 4 épreuves du Grand Chelem à la suite. Exploit aussi chez les femmes. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté le double dames face aux Russes. Une première pour des Françaises depuis 45 ans. Et puis le rugby, Toulon est clairement qualifié pour les demi-finales du top 14 à l'issue de la dernière journée hier soir. Montpellier, Castres et Racing 92 Toulouse devront eux passer les barrages. Ce sera le week-end prochain, samedi et dimanche. Très bon réveil. À vous tous, merci d'avoir choisi le Virgin Tonic, plus nombreux chaque matin, on le sent derrière notre radio, ça nous fait extrêmement plaisir. On est 1 800 000 à se réveiller ensemble chaque jour. Peut-être que vous êtes déjà au taf à 7h, peut-être que vous êtes tout juste en train de vous lever. On est là en tout cas pour vous chaque matin, 6h, 9h30. Tiens, l'équipe et vous tous qui nous écoutez. Oui. Quand je vous fais écouter ça, Amy Winehouse, ça fait quoi? Bah, ça nous fait des frissons parce que c'est notre idole. Ah, ça me bouleverse. On est d'accord. Ah, bah ouais. Eh bien, j'ai un chiffre hallucinant. 4 personnes sur 10 ouais. mm-hmm. n'ont jamais eu de frisson en écoutant de la musique. N'ont jamais eu, alors lors des frissons, voilà, une sensation comme quand on écoute Amy Winehouse. 6 Français sur 10. C'est fou. Non, pardon, 6 Français ont déjà eu. 4 sur 10 n'ont jamais eu de frisson, Pauline. Moi, j'ai un ex qui aimait pas la musique. Pour moi, il avait pas de cœur, je l'ai quitté. Ah, ah, mais rien je suis pour d'accord. Ça. Ah, je te jure, moi, je peux pas. Quelqu'un qui aime pas la musique, je peux pas. Enfin, dire, il était sourd quand même. Ah, c'est pour ça qu'on n'a jamais trop discuté. Oui, clairement. Non, mais après, on frissonne pas sur les mains non plus. Ah, bah. Bon. Vous savez ce qu'on fait? Vas-y. Non. Réfléchissez, l'équipe. Ouais. Vous aussi qui êtes en train de m'écouter là, n'hésitez pas, dites-nous sur les réseaux, vous nous appelez directement 3916, dites-nous la musique qui vous file les poils. Mmh. Qui vous met les poils, celle qui vous donne les frissons. Okay. N'hésitez pas, venez-nous le raconter, on la met de côté, la chanson, l'écoute. Ok, okay. L'équipe, réfléchissez, une okay. seule. Okay. Moi, il y en a plein, mais il faut en trouver une okay. qui vous met les frissons, d'accord. un truc de dingue. On en parle avec vous dans un instant pour le moment à 7h05. C'est la question de ouf. La question de ouf. Et oui, la question de ouf, c'est simple, vous laissez vos messages sur notre répondeur et on les écoute tous les matins, Clément. Et ce matin, on vous a demandé qu'est-ce qui n'arrive jamais au bon moment. Alors, qu'est-ce qui n'arrive jamais au bon moment? Eh bien, c'est quand tu poses un jour de congé pour être tranquille et que l'école t'annonce que la maîtresse est absente. Eh bien, c'est le téléphone qui sonne. Tu peux l'avoir avec toi toute la journée, c'est pendant les 5 minutes où tu ne l'as pas que tout le monde t'appelle. Moi, c'est mon patron qui vient me parler alors que c'est vendredi. Il est 18h. En fait, il comprend pas que je suis en week-end, je m'en fous de ce qu'il me raconte. C'est la bouteille de gaz qui se finit alors que t'as pas fini de cuire ton gâteau. Bah, tu le finis au micro-ondes, bah, c'est dégueu. C'est les livreurs que tu attends de 7h à 19h et qui arrivent toujours quand tu prends 2 minutes pour aller aux toilettes. La mise à jour de ton ordi quand t'as un mail urgent à envoyer. Là, je pourrais faire un meurtre. Ton portable qui a plus de batterie alors que t'es en pleine partie de Candy Crush niveau 99. Ce qui n'arrive jamais au bon moment, c'est d'être dérangé par le coup de fil pendant le bim bam boum. Waouh! Question de ouf! Bim bam boum, moi le bain. Évidemment, 7h07, Kungs, This Girl. Et Renaud, j'oublie pas, hein, j'ai un loyer à vous payer et je suis très heureux de le faire. Ce sera 7h20. On aura déjà un deuxième gagnant sur l'antenne, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Et Kungs, tout de suite, excellent réveil sur Virgin. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Virgin. Les amis, 7h10, soyez les bienvenus sur Virgin. On est très heureux, vraiment, vraiment, de se réveiller à vos côtés chaque matin. C'est un plaisir de remettre le réveil à 5h, de vous retrouver tous les lundis. On vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que cette semaine va bien se passer pour vous. L'équipe est là. Oui. Et alors, on parle avec vous de la musique qui vous donne des frissons. Ouais. On se rend compte que 4 Français sur 10 n'ont jamais eu de frissons en écoutant une musique. Alors, je vous ai demandé de choisir un morceau. Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Le morceau qui vous met les poils. Moi, ça date d'il y a pas longtemps. Regardez, Jake. Mais les poils, ce morceau. Ah, les frissons. Jane, elle est venue nous voir, elle a chanté en live il y a quelques semaines sur Virgin, vous l'avez découvert chez nous. Et par exemple, ce morceau, bon, c'est mon préféré de l'album, il me met, mais il me rend dingue. Laure. Tu sais que le frisson musical, c'est un orgasme de la peau. Ah bon? Ouais. Non, sérieux? Non, je te promets. C'est ben fort. Là, je simule pas. Oh, regarde un peu, regarde l'épiderme. Oh, bah c'est vrai, donc. Il a les poils qui. Ben oui, j'adore. Thibaut, quel est le morceau qui te donne des frissons? Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits. Voilà, vous allez nous dire. On a essayé de mettre les morceaux que vous nous avez demandé de côté. C'est quoi, toi, mon Thibaut? Bonjour. Bonjour, Camille. Bonjour, tout le monde. Salut. Bonjour. Moi, le morceau qui me met les poils, c'est Queen de The Show Must Go On. Ouais. Ah ouais, voilà, c'est un bagarre. Show must go on. Je suis pas très queen, tu sais, tu es épuisé, puis tu reprends encore. Et il faut y aller. Fort. Mais je suis pas très queen, moi. Ah ouais, moi ça me le fait. Ah ouais, ça marche. Direct. En même temps, tu viens d'avoir un orgasme il y a 30 secondes, donc c'est dur. Un temps de récupération. Faut que je me calme un peu, quoi. Non, mais c'est une excellente chanson, mon Thibaut, t'as raison. Thibaut, ça sent le sportif, hein. Ça sent le gars qui va au-dessus, voilà, qui se dépasse. C'est quoi toi, ma Julie, qui est avec nous aussi au 3916, bonjour. Salut l'équipe. Eh ben, écoute, moi c'est All of Me de John Legend. Ah ouais. Elle me met des frissons terribles. Et en plus, c'est notre musique avec mon mec, alors double frisson. Oula. Ah oui. C'est beau ça. On dirait un générique de fin de je sais pas quoi, mais de tout. Ouais. Ouais, c'est le final de Grey's Anatomy, tu vois. Ouais. Ouais, d'une série quand même, parce que d'un match, ce serait bizarre. L'arrivée de la Formule 1 là-dessus. Ah, c'est beau, hein. Faut pas l'écouter quand ça va pas, mais. Ouais, ah, non, c'est ça. C'est ça. Quoi, toi, Laure? Moi, c'est Michael Jackson, bien évidemment. Ouais, quand ça va et quand ça va pas, c'est toujours Michael Jackson. She's out of my life, parce qu'à la fin du morceau, il pleure. Et quand il pleure, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de le prendre dans mes bras, mais il est mort, malheureusement. Je peux pas. Ah bon? Ouais. Je la connais pas, celle-là. Oh là là, ça, elle est belle. Alors moi je suis comme vous tous qui nous écoutez évidemment, j'adore Michael Jackson, mais c'est quand même beaucoup de morceaux chiants quand même qu'on. Ouais. Quoi? Ah non, il a beaucoup de morceaux pénibles. Bah attendez, excusez-moi, je dis les choses. Ah vas-y, cite-moi. Moi, vous pouvez y aller. Bah she's out of my life. Quand tu viens de te faire quitter et que tu l'entends chanter she's out of my life, je te jure que tu pleures. Ah ouais. Ben bah, ça fait partie des morceaux. T'as presque envie d'être triste pour les écouter. Ça, et ouais. Ma popo standard, c'est quoi toi? Moi c'est Whitney Houston. I was a lady. Bah, là je te rejoins. Ah ben ouais, mais là on y est. Là tu pleures. Parce que meilleur c'est ce coup de batterie au début. Ouais. Oh, elle est là ma Whitney. Là j'ai envie d'avoir un garde du corps moi. We'll always love you. Oh non. Il prend une balle pour elle et tout, mais ce film, j'en suis dingue. C'est tellement beau. Clément, tu nous as dit, toi? Bob Marley. Parce que je suis allé en Jamaïque, j'ai visité sa maison, son tombeau, et il y avait ça, et depuis, ça me fait des frissons. C'est Redemption Song. Là. Oh ouais. Ah, c'est les belles. Regarde, fermez les yeux si vous êtes en voiture, écoutez. Ouais, c'est vrai. Non, moi ça me. Non. Non, j'y suis pas. Ah, c'est la merde. Bah non, j'y suis pas, j'ai pas eu cette époque-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi non plus. J'ai pas fait de jumbé. Hein. Alors. Mais parce qu'il faut que t'écoutes la version de cette chanson de Stevie Wonder. Elle est fabuleuse. Non, mais elle, c'est la relou. quand elle branche son iPod, c'est écoute ça. Alors, ça, c'est un remix Junior Song. En fait, c'est les Casabian qui ont été repris par machin. Tu vas t'éclater. Julie Thibault, je vous embrasse très très fort. Merci d'être avec nous, les amis. Là, il met des frissons d'une autre façon, celui-là, il rend dingue. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Voilà ce qu'on va écouter dans un instant. J'ai un loyer à vous offrir aussi. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. On revient dans un instant, bougez pas. Et Delvaux, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleur de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruit des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruit des bois et fleur de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'originale blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidée à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. C'est génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non, j'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah bah ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédit. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La banque postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la banque postale financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La banque postale intermédiaire de crédit du prêteur. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on profite de Citroën C3 avec climatisation et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C3 Vitamine est à partir de seulement 9 990 euros. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Écoutons Jeanne pendant le mois des économies d'énergie. Avec Ixina, j'ai fait le plein d'énergie positive grâce à mon électroménager faible consommation offert à l'achat de ma cuisine. Ixina. Le spécialiste cuisine nouvelle génération. Conditions en magasin et sur ixina.fr. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Dunlop 16 pouces à 71 euros seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot de l'équipe de France de football pour 1 euro de plus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Et voici la sélection Beansport pour 7 euros 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tulette, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorge bien sûr, et un Bruno Chéroux très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur beIN Sport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec beIN Sport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beIN Sport.com. Il faut que je pense à faire ma vidange à 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oui, Oscaro.com vous propose de l'huile moteur adaptée à votre véhicule. C'est simple et très économique. Facile et pas cher, je me lance. Et en ce moment, en achetant de l'huile Total ou Elf sur Oscaro.com, vous pouvez gagner 2 stages de pilotage sur le circuit mythique de Magny-Cours. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Juste quelqu'un de bien. Mon opticien Anatole me connaît bien. Quand je passe de l'ombre au soleil, je suis vite ébloui. Elle m'a conseillé des verres à teinte variable et Essilor Transition. Et oui, pour assurer le bien-être visuel de mes clients dans toutes les situations, je préconise des verres qui se teintent au soleil. Et en ce moment, pour l'achat d'une paire avec des verres Essilor Transition, votre deuxième paire à votre vue est à moitié prix. C'est un vrai plus chez Atoll les opticiens. Dispositif médical offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Salut, moi c'est Lucas Plat. Oui, bon je sais, en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente. Avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh mon Lucas Plat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. Citroën. Moins de 2 minutes. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Une météo bien plus agréable que la semaine dernière. Le soleil est de retour sur une bonne partie du pays. Des éclaircies plus ou moins généreuses. Ça pourrait se gâter un peu cet après-midi. Des averses orageuses sont à prévoir localement dans la moitié nord. Ce sera beaucoup mieux aussi côté température. Elle remonte nettement. 23 degrés pour Quimper et Évreux cet après-midi. 24 pour Le Mans et Amiens. 25 à Paris, Besançon et Pau. 26 pour Metz, 27 à Lyon. 28 pour Toulouse et Avignon. Très bon réveil à notre écoute. Le temps qui passe, le poids du quotidien, la peur des habitudes. Votre couple est-il assez fort? Moitié au 732-02. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Moitié, MOITIE, au 732-02. 1 an, 3 ans, toute votre vie. Envoyez moitié au 732-02. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Les Trois Mousquetaires. Découvrez les chansons du spectacle musical événement. Inclut les tubes d'Olivier Dion et Damien Sargue. Les Trois Mousquetaires, l'album enfin disponible. Koons au 88 000. Venez danser sur This Girl de Koons versus Cooking on Three Burners. Envoyez Koons, K-U-N-G-S au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez This Girl, le carton du moment de Koons en sonnerie. Koons au 88 000. Abonnement 3 € par semaine, DGP. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop, rock, électro. En image. Alice Lenny Kravitz. Salut, c'est Christine M. de Queen. Salut, c'est Julien Doré. Hi, this is Sia. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 142 de votre télé Orange. Chaîne 93 de votre box Bouygues Télécom. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Votre nouvelle chaîne 100% musique. 100% music. C'est Virgin Radio TV. Rock Electro. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. 7h21, soyez les bienvenus sur Virgin Radio lundi aujourd'hui. Oui, le 6 juin, j'espère que cette semaine va bien se passer pour vous, qu'elle va bien démarrer. En tout cas, on va faire tout ce qu'on peut puisque 4 fois par matinée, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20, on va payer votre loyer comme on le fait chaque matin. Un seul numéro pour vous inscrire, loyer au 7, 12, 13. Vous me laissez votre numéro de téléphone, vous pouvez laisser votre prénom, votre région, mais ce qu'il nous faut, c'est le numéro pour pouvoir vous rappeler. Ça a très bien démarré. Fabien, il y a une heure, on l'a eu au téléphone, il a gagné son loyer, c'est parti. On est déjà au deuxième tirage de la matinée. Bonne chance à tous, je sens que cette semaine, on va casser la baraque. Casser la baraque. Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Michel. Mimiche, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais, mon Mimiche? Tu pars au travail? Oh, ça fait longtemps que je suis sur la route. Ouh là là, tu fais quoi? Bah, je suis chauffeur VSL. VSL ? Oui, c'est taxi ambulance. Ah, taxi ambulance, très bien. Et oui, ça commence très tôt, ça. Ouais, ouais. Bon, bah, très bien. Depuis 5 heures, je suis sur la route. Et bah, tu nous écoutes depuis 5 heures ? Oui, exactement. Eh ben, t'as bien fait. Dès 5h, vous le savez, il y a warm-up de Virgin Tonic avec notre poteau Robin. Et puis après, on attaque 6h tous les matins, 6h, 9h30, en direct avec vous. Et mon Mimiche, alors tu l'as entendu, 6h20, il y a déjà eu un gagnant. Mais là, maintenant, c'est peut-être toi. Quelle est la seule radio ? Radio. Eh ben, oui. Je Ça fait longtemps que je joue et puis j'ai jamais gagné. Eh ben tu vois, on a même plus le temps de poser la question avec toi, Mimiche, tellement tu connais l'émission. Tu viens donc de quel coin, mon Mimiche ? En Moselle, à Nébin. D'accord, très bien. Et t'as un loyer de combien là-bas, Mimiche ? 520. Eh ben c'est gagné. Mimiche. Je suis content. Merci beaucoup, vous êtes très, très, très joyeux et continuez comme ça. Eh ben, je suis très heureux. Sois prudent, hein, vous tous qui êtes toute la matinée en voiture, les livreurs, voilà, les ambulanciers, les taxis aussi. Bon, je t'embrasse, Michel. On sent qu'il est pressé et c'est bien normal. Bah oui. En plein boulot. C'est notre deuxième gagnant de la matinée. Déjà 1 400 € de loyer offert ce matin. On va continuer comme ça. On est à peine à mi-chemin. Deux tirages encore. Loyer au 7, 12, 13 pour vous inscrire. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on écoute? Ben, c'est pas moi qui vais vous le dire. C'est Martin, 6 ans. Tout de suite, on écoute Dancing Maybellic dans une pièce tonique. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, when you dance, dance, dance, feel the liquor creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance. Yeah. Oh. Yeah. I can't stop the. On est très heureux d'être avec vous. Lundi 6 juin, c'est Virgin Tonic, bien sûr. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Salut les jeunes, bienvenue sur la radio branchée à Virgin Radio. Dans un instant, un point sur l'actu. Les amis, restez avec nous. On a aussi le réponse à le. Le réponse à tout qui arrive dans un instant. C'est lundi pour tout le monde. Oui, vous voyez, bah oui. Pour moi aussi, c'est difficile. Plat de lasagne dans la bouche, mais on va surmonter tout ça. D'ailleurs, on en a même pas encore parlé. Depuis ce matin, 6h en direct, on n'a pas encore parlé du déménagement de l'or. Ouais. Oh, ouais. Qui a déménagé. Ouais. Alors, comment? Alors, déjà, désolé de pas être venu. Ouais, mais je t'en prie. Toute l'équipe a eu des SMS de non, mais passez boire un verre. Ouais, le jour d'un déménagement, tu parles d'un verre. Tiens, mais prends une petite sangria, puis bouge le frigo de 3 mètres. Bien sûr, ouais. Donc, on n'y est pas allé, on n'est pas tombé dans le piège. Oui, Laure. Pauline, elle m'a un petit peu aidé quand même. Voilà, merci. Ah, t'es passé, Popo? Et oui. Oui, parce que tu lui offres ton ancien canapé. Elle me l'offre. Elle te le vend. Non, mais enfin, tu récupères l'ancien canapé, donc t'es obligé de faire un petit effort. Un geste. Je crois qu'il y a un geste. Et elle lui fait un prix, en fait. C'est vrai? Mais non, je lui offre, arrêtez. Et est-ce que la bouilloire est passée de... Je l'ai vu. Fameuse bouilloire que tu avais volée dans le bureau. Alors, toi que j'en ai retrouvé une autre, du coup, je vais vous la ramener. Ah, bah c'est sympa. Oh, ouais. Cool. J'ai voulu vous la ramener une fois déjà. Bah, attends, tu peux emprunter une petite bouilloire un an et demi, hein. Tu peux emprunter une bouilloire un an, y a pas mort d'homme, quoi. C'est quoi le premier truc que t'as fait en arrivant dans ton nouvel appart? Je vais vous demander, vous êtes nombreux au standard, quel est le premier truc, le premier kiff? Vous avez un nouvel appart, alors que vous soyez locataire, propriétaire, étudiant, quoi. Quand on vient de s'installer dans son nouvel appart, c'est quoi le premier kiff que t'as? Moi, je sais ce que c'est. C'est quoi, toi? C'est même pas un kiff, c'est que je fais le tour avec le téléphone pour voir où ça capte ou où ça capte pas. Alors, t'expliques chez moi, ça capte nulle part. Il n'y a pas un endroit où ça capte. Moi, j'en suis arrivé au point tellement je suis fou de téléphone que quand je visite un appart, avant, je fais le tour pour savoir si ça capte ou pas. Ah ouais, moi, j'ai rajouté des boîtes partout chez moi pour être sûr de capter à fond. Ah, c'est malin, ça m'intéresse. C'est malin, mais il faut être taré déjà. C'est dans c'est quand je pense que les gens ils disent attention aux ondes, moi, je suis l'inverse. Il faut que les ondes elles arrivent à fond partout. Alors, le premier truc que je check, moi, je prends les mesures de tout parce qu'après, je me projette chez Ikea, je vois ce que je peux mettre, pas mettre. Donc, j'adore prendre les mesures des trucs. T'adores Ikea, mais toi, c'est ta passion. Ikea, quoi. Bah ouais, passion Ikea, bah là je vais être servie. Et puis sinon, il y a les robinets, la pression des robinets. La pression des robinets, même ça, il faut le faire à la visite plutôt. Bah, je l'ai pas fait. Moi, je suis pareil que toi. Hein. Ouais. Et heureusement que je l'ai fait là parce que j'avais un problème et du coup, ils sont venus réparer. La petite info, Stéphane Plaza, hein, je vous le dis, ouais, vas-y. Bien vérifier la pression parce que vous avez pas de pression, ça c'est irrécupérable. Ouais. Clément. Moi, c'est pas du tout un kiff, mais la petite info aussi, c'est faut changer les serrures maintenant. Tu sais, les appartements et tout, sinon il y en a plein qui gardent des doubles avec les Airbnb et tout. Non. Il y a plein de cambriolages qui se font et la police dit qu'il n'y a pas d'effraction. Et il dit, mais c'est un locataire d'il y a 3 ans qui avait dû prêter son appart et tout. Ah, moi, j'ai pas pensé. Très bonne idée, Clément. Mais vraiment. Mais il faut demander avant au proprio, sinon c'est toi qui le faire. Mais tu dis, moi je prends votre appartement et vous changez les serrures. Très bonne idée, Clément, j'avais pas pensé. Moi je sais que j'ai gardé toutes les clés de tous mes appartements. Voilà. C'est pour ça. Et je vais leur rendre visite de temps en temps. Il va piquer des granolas de temps en temps. On vous a volé quoi? Des granolas et des chocobons. Ça fait 6 fois ce mois-ci. Rémi, mon bichon, le premier truc, le premier kiff que tu fais ou pas, un truc quand tu viens d'emménager, c'est quoi toi, mon pote? Eh ben écoute, bonjour à tous. Ben moi, mon premier kiff, je te le dis, c'est quand je branche ma machine Nespresso. Mmh. Je me fais un petit café club, tu vois, sur le balcon. Et je me dis, ouais, ben je suis chez moi maintenant. Ouais, c'est que je l'ai fait. Et ouais. T'as fait quoi avec notre bouilloire? Exactement ça. Tu t'es fait un thé avec notre bouilloire? Ouais. Non, c'est vrai, c'est un peu le moment où t'as... Oh ouais. Ah ouais. Fais un petit café club sur le balcon. Et t'as l'impression d'être déjà un peu chez toi. Ah, t'es chez toi. Ouais, ouais. Là, on a un balcon apparemment. Ouais. Oh, oui, enfin, petit café club sur le balcon. Petit balconné quoi. Excusez-nous les Rothschild. Excusez-nous. Oui, Nico du bureau. Bah, en fait, c'est aussi le premier truc qui est facile à déballer quoi. En vrai. Ouais, un espresso en 2 secondes, tu l'allumes, tac, ça marche tout de suite. C'est vrai. Oui, ma petite. Je l'ai mise carrément dans mon sac à main pendant le déménagement. J'ai dit, il n'y a pas de cas où je me réveille lundi matin sans café en fait. T'as pris dans ton sac à main la machine? Ouais. T'as un gros sac à main? Bah, tu sais, pour voler des choses ici, il faut un gros sac à main. En fait, le déménagement, elle a fait d'ici à chez elle, j'ai l'impression. Pour vous donner une idée, elle nous chourre tellement de trucs au bureau, elle est tellement radine, on a mis, tu sais, les mêmes trucs que chez H&M, les trucs qui bipent en sortant. On est obligé de mettre sur tous nos blousons et tout, sinon il y a tout qui disparaît. Restez avec nous sur Virgin Radio. Merci, mon Rémi. 7h30 tout pile. Un point sur l'actu maintenant à vos côtés. Et Mike Posner qui arrive pour le pop rock électro. Vous avez fait le bon choix? C'est là que ça se passe tous les matins, 6h-9h30 sur Virgin Radio. Les infos Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, le beau temps de retour sur une bonne partie du pays, des éclaircies plus ou moins généreuses, mais du soleil quand même, quelques averses orageuses possibles cet après-midi dans la moitié nord. Le mercure est en hausse, 23 degrés pour Quimper et Évreux cet après-midi, 25 à Paris et Pau, 28 pour Toulouse et Avignon. La crue pourrait coûter plus d'un milliard d'euros une semaine après le début des intempéries. L'heure est au bilan. Manuel Valls fera un point sur la situation ce matin au ministère de l'Intérieur avec les ministres concernés. 7600 foyers étaient toujours privés de courant hier soir. 14 départements en Ile-de-France, en Normandie et dans le centre sont encore en vigilance orange. Mais la situation s'améliore. Il faudra au moins une semaine pour que la Seine retrouve son niveau habituel. L'état de catastrophe naturelle sera décrété mercredi. La suite du bras de fer entre le gouvernement et la CGT sur la loi travail. Sixième jour de grève à la SNCF et une réunion de la dernière chance pour trouver une issue au conflit. Un mouvement de plus en plus impopulaire. 54% des Français désapprouvent la poursuite des grèves. Selon un sondage BVA, les conditions de trafic vont s'améliorer légèrement. 6 TGV sur 10, même chose pour les TER et 1 intercité sur 3 aujourd'hui. En Belgique, une collision entre deux trains a fait 3 morts et une quarantaine de blessés hier un peu avant 23h. L'accident s'est produit entre Namur et Liège. Un train de voyageurs a percuté un train de marchandises qui était à l'arrêt sur la même voie. C'est le titre qui manquait à sa carrière après 12 tentatives à Paris. Novak Djokovic a finalement remporté Roland-Garros pour la première fois hier en s'imposant en 4-7 en finale face à Andy Murray. 4 grands chelems d'affilée, seuls 2 joueurs l'avaient fait avant lui. La France aussi, victorieuse. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté le double dames face aux Russes, une première depuis 45 ans. En football, la sélection nationale de Roumanie est arrivée en France hier. Premier entraînement dans le sud de l'Oise où ils ont établi leur quartier pour l'Euro 2016. Les Roumains qui seront les premiers adversaires de la France vendredi à Saint-Denis. Les Bleus, eux, ont reçu François Hollande à dîner hier soir à Clairefontaine. Le chef de l'État est reparti avec le maillot du numéro 24 dédicacé. Et puis il y avait du rugby hier soir, 26e et dernière journée du top 14. Toulon et Clermont se sont qualifiés pour les demi-finales. Montpellier, Castres et Racing 92, Toulouse devront eux passer l'épreuve des barrages. Ce sera samedi et dimanche. Finale le 24 juin en Espagne à Barcelone. C'est tout pour l'actu. Vous retrouvez Camille Combal. Très bon réveil. Vous tous les amis, merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisi, vous qui êtes sur la route, peut-être encore à la maison, on est là en tout cas, on prend soin de vous entre 6h et 9h30 avec toute l'équipe. Oui, oui. Tiens, soyez là aussi mercredi matin, vous êtes très nombreux chaque jour, mais mercredi matin, on vous a préparé une émission exceptionnelle. Ce sera le Kids Tonic, nous allons faire cette émission en direct bien sûr, en public bien sûr, avec que des enfants avec nous. Ouais. On aura 40-50 enfants avec nous et ils répondront à tout. On va jouer avec eux, on fera l'école des fans bien sûr. On fera qui peut être plus fort qu'un élève de 6 ans. Ouais. Ils testeront nos connaissances et tout. Voilà, une émission entière entourée d'enfants, comme dans une grande garderie quoi, Clément. Et il reste quelques places qu'on va continuer de tirer au sort en plus. Bien sûr, inscrivez-vous sur Facebook les enfants. Ce sera à suivre en direct donc mercredi matin sur Virgin Radio. Dans un instant, je vous offre des cadeaux magnifiques. Un séjour au parc Astérix, une enceinte de Dr. Dre, une GoPro pro, plein de choses des amis. C'est le pas plus haut que le bord. C'est-à-dire, vous pouvez repartir avec l'un de ces cadeaux dans un instant. Je vous souhaite bonne chance. Inscrivez-vous maintenant au 3916. Mike Posner qui arrive pour le pop rock électro. Mais à 7h35, votre rendez-vous. C'est la réponse à tout puisqu'on parlait d'enfants bien sûr. Tonique. Et le réponse à tout, c'est quand je descends dans la rue et je fais croire aux enfants qu'ils vont partir à l'autre bout du monde habiter sans leurs parents et j'en profite pour leur demander tout simplement quel est l'objet qu'ils aimeraient emmener sur une île déserte par exemple. J'amène mes maillots de bain, ma crème et mes habits et surtout de la nourriture, sinon j'aime mourir de faim. Moi ça serait mon doudou parce que j'adore beaucoup. C'est quoi ton doudou ? Il s'appelle Pinouille, c'est un petit lapin trop mignon. Pareil, mon doudou, c'est un éléphant, il s'appelle Fanfan. De quoi pêcher pour me nourrir. C'est quoi de quoi pêcher ? Bah une canne à pêche. Moi, j'amènerai une photo de ma famille, une grande bouteille d'eau et mon iPad, une carte et une boussole. Moi, mon téléphone, mon ordinateur, mon iPad, tous mes objets électroniques en fait. Moi, j'amènerai un avion pour revenir chez moi. Moi, je prendrai une lampe électrique et un sac de couchage. Bah moi, tout simplement, j'irai pas. Moi, j'aimerais emporter ma ville, la ville de la Terre, pour emmener sur l'île. Le réponse à tout. C'est ça qui est beau chez les enfants. Vous partez sur l'île déserte, un objet, il y en a plein, c'est un doudou, et il y a l'autre qui arrive là, il fait, bah non, mon iPad avec moi. Il pense qu'aux objets électroniques. Lui, c'est déjà un adulte, hein, Clément. Le meilleur, c'est mon avion, comme ça je reviens. Bah voilà. C'est malin. C'est pas bête. Il y en a un carrément, c'est je rentre pas dans le délire, c'est non, j'y vais pas, moi. Non, merci. Question suivante. Ouais. Sur l'OM Comrie, très bien, je suis pas d'accord. Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Excellent réveil sur Virgin. Hey, this is Mike Posner and you're listening to Virgin Radio. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, never felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Sad soul, sad soul, darling. Oh, I know. Oh, sad soul, sad soul. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. All I know are sad songs, sad songs. Bon réveil à vous tous, merci d'être avec nous les amis, 8h-20. Merci d'être avec nous, on est là tous ensemble sur Virgin Radio, oui, 6h-9h30, oui, bien sûr. On vous souhaite un excellent réveil, vraiment, à vous tous qui êtes avec nous chaque matin. On a lancé un hashtag, vous êtes très nombreux à réagir. Ouais. Hashtag vivement les vacances pour. Ouais. On a tous envie, on est toujours tous impatients, même à peine on est revenu depuis 24 heures de vacances. Nous on est tellement heureux toute l'année d'être là avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs de vacances qu'on a impatient d'y être pour certaines choses. C'est quoi toi, Laure? Ben moi c'est le seul moment où mon mec décroche de son téléphone, de son iPad, de son ordi, de son... Voilà. Ah ouais. Et c'est le moment où on peut enfin se parler en fait. Ouais, non, mais ça c'est la guerre aussi. Moi, ma chérie me fait ça, me fait la guerre à l'iPad, à l'iPhone et tout pendant les vacances. Non, mais là c'est de lui-même, il décroche. Mais sinon, on décroche. De lui-même? Oui. Un bout? Ouais, enfin avec un couteau sous la gorge. Ouais, mais... ouais. J'ai bien compris. Mais de lui-même. Clément! Moi, vivement les vacances pour reprendre ma carrière de surfeur que j'ai laissée à un mec qui est allongé sur une planche et qui arrive pas à se mettre debout. Donc voilà. Je reprends des cours. C'est hyper dur. Ah, c'est tu dur. Fais du surf toutes les vacances? Bah, j'essaye, je prends des cours, mais au bout d'un moment, je vais bien finir par arriver à me mettre debout. Là, tu vas y arriver. C'est pas si compliqué. Enfin, c'est difficile. Le surf de mer, c'est quand même difficile. Ah ouais. Moi, j'en fais un peu. Hein. Ah ouais? Non. Je me mets debout et tout. Je sais pas surfer les vagues et tout. Je sais me mettre debout, avancer sur le délire. À l'océan. Sur l'océan, ouais. Alors là, je veux te voir. Hyper dur. Ah non, mais en vrai, non, mais attendez, je suis pas ridicule. Mais non, je sais moi, pas. Je suis sûr. Mais vraiment, je sais pas encore faire. Je sais pas prendre un rouleau ou quoi. D'accord. Ouais. Ah, parce qu'en même temps, là où on en fait, il n'y a pas de rouleau non plus. Oui, Nico du bureau. Oui, j'en ai fait avec Clément l'été dernier et il m'a impressionné. C'est vrai qu'on en a fait sur un simulateur. De surf et il était plutôt bon. Ah ouais? Ouais. Eh ben écoute, très bien, mais il va y arriver. Je vais essayer. Bah, il tient debout et tout, franchement, ça va. Hein. Merci, Nico. Merci, le petit point Nico Dosgore. Petit point surf, bien sûr. Ah, pourquoi est-ce que vous êtes pressé d'être en vacances? On a lancé donc ce hashtag ouais. Vivement les vacances pour. Tu nous as répondu quoi, toi, Simon? Salut. Salut, Camille. Ça va, poteau? Ça va tranquille, bah moi c'était vivement les vacances pour oublier les bouchons dès le lundi matin, puis pour aller chercher mes petits croissants tranquillou en vélo. C'est sympa. Ah le vélo, il y a plus que le vélo encore pour les vacances. C'est quoi? La Rosalie. Oui. C'est quoi, bien sûr. La Rosalie c'était à vélo et en fait il y a toute la famille qui monte derrière là à 6. Ah ouais? Pas. Vous voyez pas ce truc? C'est plus une charrette en fait. Mais non! Ça a un nom, ça s'appelle une Rosalie. Vous pouvez me dire, c'est plus une charrette. Ouais, c'est une sorte de vélo qui tire 6 personnes. Ouais, une Rosalie. Enfin, c'est une sorte de calèche où tu mets 6 personnes. Ouais, une Rosalie. Ouais. Enfin, c'est une sorte de moyen de transport, mais un vélo avec plusieurs personnes derrière. Ouais, une Rosalie. Voilà, ouais. C'est un nom. Oui, un je ne connaissais pas. On met sur Facebook photo de Rosalie, s'il vous plaît. Rosalie, Rosalie. Oh, Rosalie, Rosalie. Ah, il n'y est pas. Clément. Avec le fameux klaxon de la Rosalie, tu sais, le petit truc noir qui fait. Ne lui donnez pas. Ne lui donnez pas. Ne lui donnez pas le klaxon. Non, ça c'est pas. Qu'est-ce qu'on a sur les réseaux? Tiens, on va entendre Mode aussi dans un instant. Ça va, Mode? Salut Camille, ça va bien et toi? Mais ça va, belle gosse. Tu vas nous dire pourquoi tu es pressée d'être en vacances. Tu connaissais la Rosalie, Mode? Non, désolé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi je Ok, bah excusez-moi de connaître un petit peu les noms ringards. Alors, qu'est-ce qui se passe? Autant je ne sais pas ce qu'est Snapchat, mais alors sur la Rosalie, je suis canon. Alors vas-y, imagine. Il y a Chachaou qui dit vivement les vacances pour suivre la saga de l'été sur TF1. Les yeux d'Hélène. Est-ce que ça existe encore? Bah oui. Ah ouais. C'est moins culte qu'avant, mais ils font, à l'époque, c'était vraiment, ils prenaient une immense comédienne ou un immense comédien. Ouais. Et c'était lui qui faisait la série pendant tout l'été, c'était assez dingue. Dolmen. Dolmen, exactement. Ouais, c'est dingue ça. Zodiac. Terre Indigo. Allez, tempête. J'adore. Il y a Sandrine aussi qui dit vivement les vacances pour avoir la marque de bronzage des tongs, surtout. On est pressé d'avance. Ah bah non. Pressé non, mais ça veut dire que t'as bronzé, donc c'est cool. Et voilà. Ouais, c'est ça que t'en as profité, quoi. Il y a Yaya les tongs, génial. Vous savez, c'est les Havaianas. Ouais. Ouais. Tout le monde achète ça. Havanas. Non, j'ai acheté Havaianas. Havanayas. Ouais, Havana, c'est l'alcool. Hein, c'est du rôle. Pauline. Non, c'est Havana Club. Non, c'est. J'aimais bien la Starac Patrice. Non, Pastis. C'est Patrice. Vous savez, mais elles sont géniales, ces tongs. Elles sont toutes en plastique. Très connu, évidemment. Ouais. Mais une fois que t'as fait 300 mètres avec, où t'as ton pied qui est brûlé de partout, ça t'a fait des cornes, c'est une horreur. Et donc, on disait quoi déjà? Ils en ont même fait des comme ça aussi, où t'as juste à poser ton pied dessus, tu sais, comme ça t'as pas la trace du bronzage. Ça fait juste une espèce de semelle. Ah, génial! Et alors, on disait quoi? Et donc, il y a Yayayou aussi qui dit vivement les vacances pour se coucher tard sans qu'elle puisse culpabiliser, je vais y arriver, pour le réveil le lendemain. Et ouais. C'est quand même l'essentiel, quoi. Ah ouais. C'est vrai ça, oui Pauline. Ouais. Et puis pour sortir le mardi comme un vendredi, le mercredi comme un vendredi, le jeudi comme un vendredi. Et bord du Havaiana. Mode, ma chérie, pourquoi t'es pressée d'être en vacances, toi, ma belle? Salut. Rose, salut d'ailleurs. Moi je suis pressée d'être en vacances pour être débarrassée du bac. J'en peux plus. En plus, j'ai plein de soirées qui sont organisées après. Donc, j'ai plein de soirées qui sont organisées après. Donc, là, t'es l'année du bac là? Oui. Là, donc là, tu t'es à J-9. Oui, c'est ça. Oh là là. Ah là là. T'es en stress? Un peu. Oh là là. Alors, est-ce que ça vous fait du bien le matin quand je vous dis attention les amis, J-9, on pense fort à vous, ou est-ce qu'il faut que j'arrête de le dire? Je t'avoue que c'est un peu stressant quand même. Ouais, je sais, mais je vais arrêter de le dire alors. On est à J-9. Non, mais en fait, je te dis, je pense à vous, vous devez être en stress ou quoi, mais je me dis en même temps, pour les lycéens, c'est horrible de le réentendre, tu le sais, donc t'as pas envie que la personne que t'entends le matin te le redise. Il y a déjà tes parents qui te le répètent assez, Clem. J'ai lu, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que les années où il y a des Coupes du Monde, c'est pas le cas cette année, les résultats ils sont moins bons au bac. Ah non, mais il y a l'euro quand même, mais c'est forcément moins bon. Bah ouais, peut-être ça marche pas. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr, non mais c'est en vrai, hein, c'est certain. Ouais. Mode, je te fais des bisous, bonne chance ma belle. Merci, bisous à tout le monde. T'es sur un bac quoi toi? Un bac S. Un bac S? Ah dur. Ouais. Ah je te sens pas. Oh, non, Camille. Je suis très dans le feeling moi, je te sens pas dessus. C'est horrible. Ah, tu me sens pas dessus. Bon, non. C'est trop tard pour changer. Là t'es un peu light. C'est un peu juste là. Ah, mince. Pas. À J-9, ma chérie. Ouais, bon. On retombera l'année prochaine au pire. 6x6, 6x6. 6x6, 36. Bien. Ouais. 7x8. 42. Tu connais ton état de multiplication. Oh, bah, on est bien barré, tu connais pas l'état de multiplication, t'as 9 jours du bac. Bah, mets-toi-y, non pas faire l'idiote à la radio. Mais oui. Qu'est-ce que tu perds du temps avec moi? Mets-toi-y. 8x7, 56, bien sûr. 6x7. 42. Merci Laure. Allez, tu vas à sa place au bac, Laure. Ok, pas de problème. Simon était avec nous aussi. Bisous à toi, mon bichon. Merci à vous tous d'être là sur les réseaux sociaux. On va écouter Muse tout de suite. Follow me. Bon réveil. Hey, it's Muse on Virgin Radio. When darkness falls and surrounds. And you're lost.

pour résoudre vos problèmes dans un délai de 4 heures pour la plomberie et de 2 heures pour l'électricité. La garantie de ne pas perdre de temps. Conditions de l'offre sur edfentreprise.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 5 jours à Londres, 320 euros. 320 euros, le voyage d'affaires, c'est pas cher. Ah non, ça c'est le surcoût sur ma facture de téléphone pro à l'étranger. Non, t'es pas chez SFR Business. Pour 1 euro de plus par mois, je peux utiliser mon forfait en Europe comme si j'étais en France. Ah bah mon prochain rendez-vous pro, je pars avec SFR Business. Avec SFR Business, pour 1 euro de plus par mois, utilisez votre forfait en Europe comme en France. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Pour vos communications depuis l'Europe vers l'Europe, avec l'option Roaming Europe, offre de la société SFR soumise à condition. Détails sur sfrbusiness.fr. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à 2 fois moins cher. Boum! Eh bien, je me lance! Et actuellement, en commandant sur Oscaro, vous bénéficiez de 10 euros de remise sur showroomprivé.com. Une offre 100% gagnante. Voir conditions sur le site. Oscaro.com. Reprenez votre voiture en main. Oh là là là là ! La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine ! Eh oui, vous les jouez en faisant vos courses ! Il y a des millions de cadeaux à gagner ! Et jusqu'à 50% en avantage carte ! 50%, ça c'est sport ! Intermarché, tous unis contre la vichère. Règlement du jeu, modalités et magasins participants sur intermarché.com du 7 au 12 juin. Nouveauté. Virgin Radio. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. Should've gone home. Should've Je vous souhaite un très très bon début de semaine. Merci d'avoir repris vos habitudes avec nous. Le Virgin Tonic, 6h-9h30 chaque matin. Bien sûr, c'est en direct avec vous, avec toute l'équipe qui est là. Oui. Et avec des cadeaux magnifiques. Vraiment, on vous a déjà offert vos places. Ce sera tous les matins pour le Axbot Festival. C'est en août à Nice. On a aussi plein de cadeaux. Un séjour en Guadeloupe à gagner d'une valeur de 5000 euros. Et là, pour le moment, on joue avec plein de cadeaux puisque c'est le jeu du pas plus haut que le bord. Virgin Tonic. Virgin Tonic, les jingles les plus branchés de toute la bande FM. C'est Laure qui a été tirée au sort ce matin. Bonjour Laure. Salut. Laure, je suis ravie de t'entendre. Tu viens d'où ma belle? Marseille. Marseille, la ville rose. On adore. Bien sûr, Claude Nougaro, qu'on embrasse. Laure, ma chérie, attention. Le jeu du pas plus haut que le bord, il est très difficile parce que c'est du hasard, mais en même temps il est génial. Le principe est simple. J'ai un grand verre doseur, on peut presque parler d'un vase à ce niveau-là, sur laquelle on a mis plein de paliers. Je vais verser du liquide dedans, Alors je m'excuse à par avance pour tous ceux qui sont en voiture, c'est le jeu qui donne le plus envie de faire pipi de tous les jeux. Je suis désolé. Par avance, je vous le dis, vous aurez envie de faire pipi à la fin de ce jeu, puisque vous allez entendre le liquide se verser. Et à chaque fois que tu entendras ce bruit, c'est que tu as passé un palier. Dès que le palier est passé, le cadeau est forcément perdu. Il y a 6 paliers sur le verre. Je te donne je te donne dans le désordre tout ce que tu peux gagner. Un sachet de M&M's vide. Sympa. Une bougie. Mm-hmm. Un pouf Virgin Radio. Mm-hmm. Une GoPro. Mm-hmm. Une enceinte Dr. Dre. Ou un séjour tout frais payé pour 4 personnes au parc Astérix. Waouh. D'accord. Restauration, hébergement compris, c'est un très beau cadeau. C'est le plus beau des cadeaux, bien sûr. Donc à toi de me dire, à n'importe quel moment, tu entendras quand on, je te rappelle, un 6 paliers. Tu entendras le petite sonnette quand on les dépasse. Et dès que tu me diras, hop hop hop, pas plus haut que le bord Camille, je m'arrête. Et donc tu gagneras le cadeau suivant. Tu as droit à 2 arrêts, c'est-à-dire ouais. T'as un arrêt où tu pourras dire, je m'arrête là ou je continue. Ensuite, en revanche, ton dernier arrêt sera le cadeau que tu gagneras. D'accord. Ok. Allez. Ok. Est-ce que je sais ce que je perds? Non. Je te dirai. Si. Je te dirai ce que tu perds parce que je t'aime. Ah. Oui, mais pas en direct. Tu sais pas quand le premier arrêt, tu sais pas ce que tu perds. Mais après le premier arrêt, je dirais déjà les cadeaux qu'elle a perdus. Attention. Oui, voilà, c'est ça. Pour montrer qu'il n'y a pas de triche, tout est filmé là, en ce moment même sur Twitter, sur l'appli Periscope. Mais évidemment, on a tourné parce que sinon on pourrait tricher, vous verriez les cadeaux. Bah alors. Ah bah il est préparé en amont ce jeu, qu'est-ce que vous croyez? Attention, on y va, c'est parti. Le pas plus haut que le bord, on commence. Premier palier passé. Top déjà ? Ouais. Oh. Alors. Déjà top. Alors attention. Déjà tu as passé le premier palier. Le premier palier c'était un sachet de M&M's. Ouf. Ouf. Donc déjà ça c'est fait. Vide. Tu ne l'as pas gagné. Il était vide en plus. Bon. Désolé. Pour le moment, tu es donc au deuxième palier. C'est ce cadeau-là avec lequel tu repars si tu t'arrêtes maintenant. Et c'est une bougie. Ah. D'accord. Je la connais, elle est très bien. Elle très, est très bon. Très très bien, parfum cannelle. Donc voilà, ça peut t'aider dans ton choix, peut-être si tu décides de continuer ou pas. Je rappelle, il reste donc un pouf Virgin Radio, une GoPro, une enceinte Dr. Dre et un séjour au parc Astérix. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Non, je continue. Attention, on continue, c'est parti. Maintenant, vous l'avez tous compris, hein, le prochain arrêt sera l'arrêt définitif. On reprend le jeu du pas plus haut que le bord. C'est parti. La bougie vient de passer. C'est vrai que ça donne envie de faire pipi. Hein. Stop. Donc là, on peut plus s'arrêter. Là, c'est stop, définitif. Stop. Ça y est, c'est définitif. Bah non, ouais. Je vais maintenant retourner le verre. Vous verrez qu'on n'a pas du tout triché sur le périscope. Il y a, tu l'as entendu, 2 autres paliers. Tu t'es arrêté au 5e palier. Ouais. D'avance, je vais te dire ce qu'il y avait au tout dernier palier, celui que tu n'as pas atteint. Le 6e, c'était le pouf Virgin Radio. Oh, il est génial, d'accord. Dommage. Pouf Virgin Radio, il n'est pas gagné. Ensuite, le 3e palier, celui que tu as entendu mais tu n'as pas dit stop, c'était une GoPro. Oh. Oh, la pression. Tu t'es arrêté juste avant le 5e palier. Et sachez, vous allez voir sur le verre, hein, le 4e palier, malheureusement, c'était le séjour au parc Astérix. Oh. Mais tu repars avec un très beau cadeau, l'enceinte Dr. Dre pour toi, ma belle. Merci. Et c'est un très beau cadeau. C'est un très très beau cadeau. Tu passes près du séjour au parc Astérix, mais tu repars quand même avec cette enceinte. T'es contente, Laure? Ouais, y a pas de soucis. Eh ben, je suis ravie. Je te fais des bisous, ma belle. Moi aussi, je peux faire passer un petit bisou à quelqu'un. Vas-y, ma belle, ça y est chez toi. Je fais un bisou à mon poulet, à mes deux enfants, donc Alexis et Baptiste. Voilà. Eh ben, très bien. Ben, je t'embrasse, ma petite Laure. On te fait plein de bisous. Merci d'être avec nous le matin sur Virgin Radio. Imani, voilà ce qu'on va écouter dans un instant pour le pop rock électro. De faire le temps de faire un point sur l'actu. On revient, ne bougez pas. Info Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, il revient timidement du soleil aujourd'hui sur la plupart des régions, en tout cas des éclaircies, mais le temps deviendra instable cet après-midi, peut-être des averses orageuses sur la moitié nord. Côté Mercure, ça remonte jusqu'à 24 degrés pour Alençon et Amiens cet après-midi, 25 à Paris et Besançon, 28 pour Toulouse et Montpellier. Et ce matin, 14 départements sont toujours en vigilance orange au risque d'inondation en Ile-de-France, dans le centre et en Normandie. La Seine poursuit sa décrue, la montée des eaux d'eau du côté de Rouen a finalement été limité. 7800 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. C'est la désolation pour des milliers de sinistrés qui retrouvent depuis quelques jours leurs habitations totalement dévastées. L'heure est maintenant au nettoyage et au bilan. Les dégâts sont estimés à plus d'un milliard d'euros. La réunion de la dernière chance, les négociations sur l'organisation du temps de travail à la SNCF vont reprendre ce matin entre la CGT, Sudrail et le gouvernement. La grève entre aujourd'hui dans son 6e jour consécutif. 6 TGV sur 10 sont annoncés aujourd'hui, même chose pour les TER, environ un intercité sur 3. À 4 jours du coup d'envoi de l'Euro 2016, le gouvernement espère désamorcer le conflit sur la loi travail. Les pilotes d'Air France ont également déposé un préavis de grève à partir de samedi. L'évacuation depuis 7h ce matin d'un campement de migrants à Paris. Plus d'un millier de réfugiés étaient installés depuis plusieurs semaines dans les jardins des Halles. Ils vont être répartis dans une soixantaine de centres, dans des gymnases notamment. Au moins 3 morts, une quarantaine de blessés, bilan d'une collision hier soir en Belgique entre Namur et Liège. Un train de voyageurs qui roulait à une vitesse élevée a percuté un train de marchandises à l'arrêt sur la même voie. François Hollande a dîné avec les Bleus hier soir à Clairefontaine. Le président de la République, grand fan de foot, est allé encourager les hommes de Didier Deschamps à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro. La France affrontera la Roumanie vendredi à Saint-Denis en match d'ouverture. En tennis, Novak Djokovic est entré dans l'histoire hier en remportant pour la première fois de sa carrière le tournoi de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial s'est imposé en 4-7, un peu plus de 3 heures de jeu face au Britannique Andy Murray. Le Serbe est devenu le 3e joueur à remporter 4 épreuves du Grand Chelem à la suite. Le rugby, Toulon est clairement qualifié pour les demi-finales du top 14 à l'issue de la dernière journée hier soir. Montpellier, Castres, Racing 92 et Toulouse devront eux passer les barrages le week-end prochain. Et puis en basket, deuxième match de la finale des playoffs de Pro A ce soir à Strasbourg. Lyon-Villeurbanne va tenter de prendre sa revanche face aux Alsaciens. Très très bon réveil à vous tous. Laure, Clément, Pauline sont là bien sûr. On est tous ensemble. On était tellement impatients de vous retrouver. Le week-end il est long sans vous. On est là à 6h, 9h30 chaque matin à vos côtés. Le pop rock électro que vous aimez, c'est celui d'Imani qui va arriver dans un instant. Don't be so shy, ne sois pas si timide. Il y va Imani, hein. C'est une fille, mais bon, c'est pas grave. Il est pas farouche. Hein? Il est pas farouche. Ah, ouais. Il me semble que c'est elle, hein. C'est une fille ? Oui, ouais. Elle est pas farouche. Elle est pas farouche. Très très très au point sur la musique. Yanni Combal avec vous. Les amis, donc Imani qui va arriver, vous l'avez en tout cas découvert chez nous, vous le savez, ça va arriver. Et puis alors, attention, 8h20, j'ai un loyer à vous offrir. Ah bah oui, bah oui. Vous croyez quoi les amis ? Je peux pas être sur le loyer, sur les artistes à un moment donné. Moi, je suis très loyer. Et ça, je mets un point d'honneur, 8h20 très précise, en direct et en exclu, on aura déjà un troisième tirage au sort. Pour le loyer, on vous souhaite bonne chance. 1 400 € de loyer déjà offert. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Mais pour le moment, à 8h05, c'est la question de ouf de Clément Lincruste. On vous la pose et vous laissez tous vos messages tout au long du week-end. La question de ouf, il me semble que ça. Oh. La question de ouf. Vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule? Pas du tout. Ça. Non, pas de ça chez nous. Et la question de ouf, c'est un répondeur. Vous, vous répondez quand on pose la question. Personne ne respecte moi. Pourquoi mais si, on respecte personne. C'est des auditeurs. Ils me vannent. On a des auditeurs de 6 ans qui me clashent. Mon équipe et tout. Je suis le seul parce comme que ça. T'es oui. Proche. Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Mais c'est parce qu'on t'aime qui aime bien Châtillon. Oui, Châtillon. Bien mais sûr, oui. Évidemment. Bah oui. Alors, Clément, c'est quoi ta merde? La question qu'on vous a posée ce matin, c'est qu'est-ce qui arrive jamais au bon moment? Ah, elle est géniale. En plus, je plaisante. Et toutes vos réponses, c'est au 0184 07 08 09 chaque jour. Alors, qu'est-ce qui n'arrive jamais au bon moment? Eh bien, c'est quand tu poses un jour de congé pour être tranquille et que l'école t'annonce que la maîtresse est absente. Eh bien, c'est le téléphone qui sonne. Tu peux l'avoir avec toi toute la journée. C'est pendant 5 minutes où tu ne l'as pas que tout le monde t'appelle. Moi, c'est mon patron qui vient me parler alors que c'est vendredi. Il est 18h. En fait, il comprend pas que je suis en week-end. Je m'en fous de ce qu'il me raconte. C'est la bouteille de gaz qui se finit alors que t'as pas fini de cuire ton gâteau. Ben, tu finis au micro-ondes. Bah c'est dégueu. C'est les livreurs que tu attends de 7h à 19h et qui arrivent toujours quand tu prends 2 minutes pour aller aux toilettes. La mise à jour de ton ordi quand t'as un mail urgent à envoyer. Là je pourrais faire un meurtre. Ton portable qui a plus de batterie alors que t'es en pleine partie de Candy Crush niveau 99. Ce qui n'arrive jamais au bon moment, c'est d'être dérangé par le coup de fil pendant le bim bam boum waouh. Question de ouf. Merci pour toutes vos réponses, les amis. 8h07, Imani sur Virgin Radio. Excellent réveil. Merci de nous avoir choisi. On est là à 6h09h30. Tonic. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. My heart just raced so much faster. I dropped myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my glove, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Salut à tous et bienvenue sur Virgin, 8h10. Virgin Tonic. Courage à vous tous, qui ouvrez les yeux avec nous. Je sais que vous êtes surtout nombreux à être déjà au travail, dans votre voiture, en train de déposer les enfants à l'école. Tiens, justement, on va parler à tous les parents là. Ouais. Pour ce lundi 6 juin, j'espère que cette semaine va bien démarrer pour vous. Sachez que 2 parents sur 10, ok, 20% des parents en France, ouais, le font quand ils veulent être tranquilles. D'après vous, qu'est-ce que c'est, Clément? Ils envoient les enfants chez les grands-parents. Non. Plus simple que ça, ils veulent avoir une petite conversation tranquille. En fait, ils filent ou un iPad ou une console de jeu et ils mettent sur un jeu vidéo pour que les enfants soient sur le jeu vidéo et qu'ils puissent être peinards. Oh là là, c'est mal. Bien. Genre pour finir leur boulot, pour parler tranquille avec des potes au téléphone. Voilà. C'est pas bien. Mais voilà, des fois t'es rattrapé en tant que parent, tu peux pas toujours être parfait. Parce que tu savais le nombre de fois que je l'ai pas. Je me tombe logiquement. On est pas toujours parfait quand on est parent. Non, on est pas toujours parfait, on est loin d'être parfait même. À quel moment tu sens que t'es un mauvais père ou une mauvaise mère? Alors Nico aussi, je demande à Nico du bureau qui est papa. Alors moi je suis un oncle, mais un oncle très investi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai mon neveu le week-end ou quoi, machin. Ah oui, très souvent. Moi par exemple, j'ai un truc, je sais que c'est être un, entre guillemets, un mauvais papa, un mauvais oncle. C'est quand mon neveu Raphaël il vient à la maison, il veut tout le temps les histoires et je saute quelques pages. On va pas finir non plus à 2h du mat. Oh. C'est pas tout, parce que dès qu'il s'endort, tonton il va en boîte. Hein. Bah voilà. À quel moment t'es une mauvaise mère alors? Quand je dis à ma fille t'as faim, qu'elle me dit non et que j'insiste pas pour lui faire à manger. Ah genre non, c'est pas bien. Attends, tu risques d'avoir des carences de non. Ouais. Ok, cool, bisous. Exactement. C'est horrible. C'est en le disant que je me rends compte que c'est horrible. Mais non, mais on n'est jamais parfait, c'est bien de l'assumer. Ouais. Nico du bureau, à quel moment t'es un bon père toi plutôt? Ouais, c'est plutôt ça. Non, moi je suis un mauvais père quand je trouve toutes les astuces possibles pour pas aller au manège qui est sur la place à côté de chez moi. Ouais. Franchement là c'est genre il est fermé, il est pas... Alors, en ce moment c'est il pleut. Et il marche pas quand il pleut. Mais qu'est-ce qu'on ment? Mais non, c'est normal, c'est parce qu'ils ont pas les impératifs d'une journée de parents. Ouais. Moi mon frère, je sais que par exemple, c'est pareil, c'est quand c'est à lui de faire la lessive. Ouais. Bon, si le pull a juste deux taches, hop, quoi, il est plié, il repart au propre, quoi. Ouais, bah ouais. Bah non, mais un enfant, ça se salit tellement vite. Bah oui. Ouais. Et bien beau d'être propre, mais à un moment donné, toi, il est sale très vite, hein, Nico, du bureau. Là, j'ai déjà fait ça. Et aussi, genre, t'as pris ta douche? Non, bah c'est pas grave, allez, on va. Tu t'es pas sorti, t'es pas sale. Ça va, t'es propre. On sort pas, t'es propre. Dis-le quand même pas à ta mère, mais. Pour moi, ça va. À quel moment, est-ce que t'es maman déjà, Vanessa? Bonjour, qui est avec nous, Standard? Oui, je suis maman, j'ai deux petites filles, Jade et Adèle. Jade, oh, très joli prénom. Et merci. Alors, ma belle, est-ce qu'il y a un moment où tu sais que t'es une mauvaise maman, ce qui enlève rien au fait que tu les aimes, tout ça, bien sûr. Ah bah, moi, je les aime, hein, plus que tout, mais bon, je suis une mauvaise maman. Quand je mange des tablettes de crunch trop pour qu'elles puissent les attraper. Ah, génial. Des tablettes de crunch. Comme ça, je peux les manger toutes seules, discrètement, le soir. C'est mon idole. Ranger les tablettes de crunch, je suis trop honte pour les garder, mais c'est horrible. Bah, en même temps, c'est bien parce que c'est pas bon le trop de chocolat pour les enfants. Ouais. Très mauvais. Non, voilà, pour les enfants. Donc, c'est une bonne mère. Mais pour toi aussi, c'est pas bon. Ouais, non. Nico, du coup, on a tous des planquettes et par contre, effectivement, moi j'ai planqué déjà les Kinder Surprise au-dessus de la chaudière, j'aurais pas dû. Ah bah non. C'est un peu fondu. Et il reste que la surprise, quoi. Voilà, c'est ça. Après, si la surprise fond aussi, c'est que vraiment, il faut être un problème de chaudière. On fera attention, hein. Aurélien, est-ce que t'es papa? Oui, salut Camille. Je suis papa, oui, d'une fille et d'un garçon. D'accord, il s'appelle comment? Emma et Gabriel. Emma et Gabriel, est-ce qu'à des moments, t'es un peu un mauvais papa avec eux? Oui, et ben pas encore plus tard que samedi, en fait, quand je rate le spectacle de fin d'année du cahier scolaire et que j'arrive limite à la fin et je leur dis mais c'était super. Il y a ça, et pour la journée de fin d'année où il faut arriver avec le gâteau et que le gâteau, bah, il vient de chez Papy Brossard, quoi. C'est ça. Ouais. Mais c'est ton papy un peu, Papy Brossard. Ça reste en famille, hein. Bah, bien sûr que ça reste en famille. Et les amis, justement, là on rigole avec les parents, hein, mais on aura toutes les réactions des enfants, ils nous balanceront des dossiers sur leurs parents mercredi matin en direct, émission exceptionnelle. Ouais. On sera en direct quasiment d'une garderie, ce sera ici dans nos studios, mais on a organisé ça en public, vous verrez, on va s'éclater. Ce sera le Kids Tonic en direct de 6h à 9h30 avec près d'une cinquantaine d'enfants. On va sortir épuisés. Hein. Ouais. Ah bah, une cinquantaine d'enfants avec nous dans les studios. On va bien se marrer avec eux. Restez là sur Virgin Radio. Charlie Pousse qui arrive dans un instant. Et puis votre loyer, j'oublie pas, il est à gagner dans quelques minutes à peine. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Ne ratez pas le tirage au sort, il arrive dans deux secondes. Le numéro de référence pour trouver un coiffeur. 118-712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Juste quelqu'un de bien. Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid. Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre les rayons du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisants suppriment la réverbération et améliore les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Les 200-300 bornes, j'ai recas au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits.s. Pas de stress, y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. 5 jours à Londres, 320 euros. 320 euros, le voyage d'affaires, c'est pas cher. Ah non, ça c'est le surcoût sur ma facture de téléphone pro à l'étranger. Non, t'es pas chez SFR Business. Pour 1 euro de plus par mois, je peux utiliser mon forfait en Europe comme si j'étais en France. Ah bah mon prochain rendez-vous pro, je pars avec SFR Business. Avec SFR Business, pour 1 euro de plus par mois, utilisez votre forfait en Europe comme en France. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Pour vos communications depuis l'Europe vers l'Europe, avec l'option Roaming Europe, offre de la société SFR soumise à conditions, détails sur sfrbusiness.fr. Bonjour. Bonjour. C'est Rémi de Tabac Info Service. Je vous appelle pour faire le bilan de cette nouvelle semaine sans cigarette. Eh ben, la semaine a été dure. Vous savez, je cherche un emploi et j'ai eu quelques entretiens. Oui. J'étais stressé et j'ai eu du mal à résister. Oui, je comprends. Quand on est fumeur, on a souvent l'impression qu'une cigarette soulage. Alors qu'en réalité, la nicotine entretient le stress. Vraiment? Mais oui. Et d'ailleurs, il y a des moyens plus efficaces pour se détendre. On peut en parler aujourd'hui. Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 3989, appel non surtaxé et bénéficiez d'un suivi personnalisé et gratuit par un tabacologue. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.

en direct, là, au téléphone, et comme Nadia, c'est ça Nadia, hein? Oui. Bonjour Nadia, t'as été tirée au sort, bravo à toi ma chérie, tu viens d'où? De Dublin. C'est en Moselle? Oui. Très bien, tu fais quoi dans la vie? Je suis aide-soignante. D'accord, aide-soignante, les infirmières. Alors vraiment, je crois qu'il n'y a aucune profession aide-soignante, infirmière, qu'on puisse gagner le loyer depuis un an et demi qu'on est ici. Nadia, ma belle Andalouse, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Eh bien oui. Je suis content ma chérie de t'envoyer ce chèque en Moselle, troisième gagnante. On a eu Fabien à 6h20. Ouais. On a eu Mimiche à 7h20. Ouais. Avec toi ma chérie, t'as un loyer de combien Nadia? De 900 euros. 900 euros, ça veut dire qu'on a offert près de 2300 euros de loyer. Et il reste un tirage à 9h20. Loyer au 7 12 13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. T'es contente Nadia? Ah oui, très. T'es au boulot déjà? Oui, je suis au travail, oui. D'accord, tu bosses dans quel centre hospitalier? Je travaille sur Saint-Avold, à domicile. Saint-Avold, directement à domicile. Eh bien, très bien, ma petite Nadia, sois prudente sur la route. Tu dois faire plein de patients, j'imagine. Merci en tout cas de nous être fidèles. Et on est très heureux que tu sois déjà notre troisième gagnante. Merci à vous. Je t'embrasse fort ma belle. Bisous ma petite Nadia. Merci d'être avec nous sur Virgin. 8h23. Je vous souhaite un excellent réveil. Vous avez fait le bon choix, on est là jusqu'à 9h30. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. So take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one. Sur Virgin Radio, Charlie Puth à l'instant, c'est bien ça. Ah, je l'aime. One Call Away, qu'est-ce que c'est beau. Bienvenue sur Virgin. Lundi aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Vous qui démarrez cette journée, vous qui êtes déjà au travail, en voiture, pour bon nombre d'entre vous, je le sais les copains. Eh oui, dans un instant, on va faire un point sur l'actu à 8h30 comme chaque matin. Et puis ensuite, le réponse à tout de Clément l'Incruste. Qui sont les plus intelligents, les garçons ou les filles? On va peut-être enfin avoir la réponse à cette question. Ouh là là là là. Et là, on vient de se faire engueuler, je vous dis tout moi, ici par la sécu. Alors Virgin Radio, on a une énorme sécu. On s'est fait engueuler parce qu'on a bloqué la porte avec une ramette de papier. Tu sais quoi, ça fait du bien de se faire engueuler, je trouve. Ah mais là, c'était vraiment engueulé. Depuis qu'on est adulte, on se fait plus engueuler comme ça. Ah bah et moi, ça m'avait presque manqué. Je me suis fait engueuler ce week-end. Par Juju ? Non, par la voisine, parce que j'ai laissé tous les cartons devant la porte et apparemment elle a pas aimé. La nouvelle voisine ? Ouais. Ouais, ça c'est pas cool. C'est pas cool. Si vous nous rejoignez, t'as déménagé ce week-end, s'il y a bien un moment où t'es cool, c'est le déménagement. Bah ouais. Et puis elle est venue me m'engueuler parce qu'on a trop chargé l'ascenseur. Enfin, moi elle m'a tout fait. Ouais. Moi, je vous avais raconté ce truc de dingue. J'avais déménagé il y a quelques années et donc quand tu déménages, t'as pas encore les digicodes, bah, les trucs. Donc je déménage, j'oublie la clé dans l'appart, je suis en train de courir, machin, j'ai pas encore le digicode. Donc je sonne chez une voisine et je lui demande si elle peut m'ouvrir. Mmh. Et parce que je rentrais un matelas. Ouais. Et la voisine me dit, mais qu'est-ce qui me prouve que vous venez vraiment dans l'immeuble ? Et donc je lui dis, est-ce que vraiment il y a des violeurs qui viennent avec leur propre matelas? Tu sais, j'ai envie de violer les gens, mais j'ai quand même envie d'être confort. Donc j'amène un petit lit gonflable. Si ou dans drôle. Un parking, un violeur qui gonfle le matelas. Excusez-moi, mademoiselle, hein, ça prend 5 minutes, mais je trouve quand même qu'il faut faire ça dans les règles, quoi. Non, mais, c'est mythique. Non, mais, en train de vouloir rentrer un matelas dans l'immeuble et qu'elles se disent, non, mais peut-être que c'est pas vraiment quelqu'un qui emménage ici, peut-être que c'est quelqu'un qui va nous violer sur un matelas. Oui, Laure. Ou peut-être qu'elle se dit que t'as pas vraiment de matelas vu qu'elle te voit pas. Si, elle te voit. Ah, ben bah, voilà. Bienvenue en 2012. Ah oui. Ouais, Clem, mais la vanne a fait rire, t'as ouvert ou pas? Ah, du tout. Non, elle était restée à la porte. Et je suis resté 2 minutes le temps qu'un autre voisin arrive et j'ai sonné ailleurs. Mais tu dis, mais qui peut croire ça? Quand est-ce que la dernière fois que vous êtes fait gronder, tiens, je vais vous demander au standard au 3916. Ça me fait très bizarre. On se regardait avec Clément, on n'osait pas répondre, quoi. Bloquer la porte, ramener de papier pour photocopieuse. On s'est fait défoncer. Quel moment, la dernière fois que vous êtes fait gronder, Pauline, c'est quand, toi? Moi, le chef de la cantine. Ici, parce que je suis rentrée. Il est gentil en plus. Il est gentil, mais je suis rentrée par les cuisines, ce qui ne se fait pas du tout. Ah bah non, ça se fait pas du tout. Oui, je sais, mais il y avait de la nana, et donc je l'ai vu. Ah et non, non, ça il faut pas. Il y a que le personnel et les rats qu'on voit dans le Quand tu dis il y avait de la nana, c'est des meufs, c'est ça? Non, il m'a dit t'es pas chez ta mère et tout, du coup ça va. Le chef il parle comme ça? Oui, il m'a dit t'es pas chez ta mère. Vous êtes pas chez votre mère, à mon avis. Ah oui, vous êtes pas. Non, il a raison en plus. Vous êtes pas chez votre mère. Ah bah oui, oui. Oh, il est classe. Ah, il est classe. Non, non, on l'aime bien, le chef de Virgin Radio. Oui, il fait des friands pop rock électro. Trop bon, oui, Laure. Je peux dire que j'étais avec elle et que j'avais pas envie d'être à sa place. Hein. Ouais. Il rigolait pas du tout. Trop, tu t'es pas fait engueuler, toi? Ah non, mais moi je suis poli, monsieur, je rentre pas dans les cuisines. Eh bah voilà, et alors, t'es pas chez ta mère? Oui, Clément. Moi, dernière engueulade, c'est Pauline quand même qui m'a engueulé parce que j'ai passé 2 heures chez elle à parler avec Marguerite, qui apparemment est en couple. Apparemment, une vache. Si tu la voyais, tu dirais pas ça. Non, hein. Non, mais je parle du prénom, je la connais pas, je suis pas du tout. C'est vraiment pas. Marguerite, c'est quand même. Tu vois, c'est un peu comme si t'avais un pote s'appelait Belle de Cœur, ça fait un peu cheval du hippodrome, quoi. C'est vrai. Mais bon, pour l'avoir vu, je prends la défense de Marguerite quand même. Si tu la voyais, tu lui parlerais pas comme ça. Anna, la dernière fois que tu t'es fait engueuler, c'est vrai, on est adulte, mais quand on se fait gronder comme des enfants, c'est quand pour toi, ma petite Anna? Bonjour. Salut Camille. Salut. Alors, moi, la dernière fois que je me suis fait disputer, c'était par mon amoureux, que j'embrasse très fort, parce que je suis montée dans la voiture et que j'ai mangé un pain au chocolat et que j'ai mis des miettes partout alors qu'il venait passer là-dessus. Mmh. Ah, je supporte pas. Je comprends. Ah, le truc, ils font les miettes, on fait ce qu'on veut dans ma voiture. Excuse, mon chéri. Ah bah ouais, mais oui, t'as bien raison, ma chérie. Mais non, mais les trucs qui font des miettes, alors autant dans le lit, évidemment, c'est insupportable, mais dans la voiture, ça me rend fou. Ouais, je comprends. Ça me rend dingue. Oui, Clément. Moi, c'est l'inverse. Et, je me serais fait engueuler par mon ex si elle aurait dit « Non, mais ça va pas de passer l'aspirateur, tu sais très bien que je vais manger. » Tu sais, c'est tout à tort dans tous les cas. Mais non, mais parce qu'à la maison, on fait attention si on se fait engueuler. Et la voiture, on sait que c'est nous. C'est notre voiture, c'est nous qui devons la laver ou quoi. C'est insupportable. Nico du bureau. Je veux dire, quand t'as des enfants, t'es plus à 2-3 mètres près. Non, des sucettes qui un petit vomito, des trucs comme ça. T'as tout. Tu laisses tomber. T'as du Nutella sur le toit ouvrant. Tu peux retracer une semaine entière avec. Je te jure. Les experts enfants. Il aurait mangé du blé d'ilet il y a de ça 2 jours. Merci ma petite Anna, 8h30. Et si on se faisait un petit point sur l'actu? Allez. Je trouve que ça emballe pas l'équipe. Moi, je suis très heureux. On va retrouver tous nos journalistes tout de suite en direct sur Virgin, bien sûr, près de chez vous, qui vous prépare une info qui vous concerne vraiment. On les embrasse fort. Les Jonas Blue, voilà ce qui arrive dans un instant aussi avec Fast Car. Et on a des cadeaux magnifiques à vous offrir, un séjour en Guadeloupe d'une valeur de 5000 euros. Je vous en parle dans un instant. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, le beau temps de retour sur une bonne partie du pays, des éclaircies plus ou moins généreuses, mais du soleil quand même. Quelques averses orageuses possibles cet après-midi dans la moitié nord. Le mercure est en hausse, 23 degrés pour Quimper et Évreux cet après-midi, 25 à Paris et Pau, 28 pour Montpellier. La situation s'améliore sur le front des intempéries. La crue en Seine-Maritime a finalement été limitée et le niveau de la Seine continue de baisser. 14 départements restent malgré tout en vigilance orange. En Île-de-France, dans le centre et en Normandie. Hier soir, 7800 foyers étaient toujours privés de courant. Une réunion est prévue aujourd'hui au ministère de l'Intérieur pour faire un point sur la situation. Il sera bien sûr question des dégâts qui pourraient dépasser 1 milliard d'euros. La suite du bras de fer entre le gouvernement et la CGT sur la loi travail. Sixième jour de grève à la SNCF et une réunion de la dernière chance pour trouver une issue au conflit. Un mouvement de plus en plus impopulaire. 54% des Français désapprouvent la poursuite des grèves selon un sondage BVA. Les conditions de trafic vont s'améliorer légèrement. 6 TGV sur 10, même chose pour les TER et un intercité sur 3. En Belgique, une collision entre deux trains a fait 3 morts et une quarantaine de blessés hier un peu avant 23h. L'accident s'est produit entre Namur et Liège. Un train de voyageurs a percuté un train de marchandises qui était à l'arrêt sur la même voie. Il n'y aura finalement pas de revenu minimum en Suisse. Nos voisins helvètes ont massivement rejeté hier à près de 77% le projet de salaire minimum qui prévoyait 2260 euros par adulte, y compris pour les chômeurs. C'était le titre qui manquait à sa carrière après 12 tentatives à Paris. Novak Djokovic a finalement remporté Roland-Garros pour la première fois hier en s'imposant 4-7 en finale face à Andy Murray. 4 grands chelems d'affilée, seuls 2 joueurs l'avaient fait avant lui. La France aussi victorieuse. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté le double dames face aux Russes, une première depuis 45 ans. En foot, la sélection nationale de Roumanie est arrivée en France hier. Premier entraînement dans le sud de l'Oise où ils ont établi leur quartier pour l'Euro 2016. Les Roumains qui seront les premiers adversaires de la France vendredi à Saint-Denis. Les Bleus, eux, ont reçu François Hollande à dîner hier soir à Clairefontaine. Le chef de l'État est reparti avec le maillot du numéro 24 dédicacé. Et puis il y avait du rugby, 26e et dernière journée du top 14. Toulon et Clermont se sont qualifiés pour les demi-finales. Montpellier, Castres et Racing 92 Toulouse devront eux passer l'épreuve des barrages. Ce sera samedi et dimanche prochain. Très bon réveil à tous. Excellente matinée à vous tous, 8h34, c'est le Virgin Tonic à vos côtés, bien sûr, chaque matin, on est en direct depuis 6h et jusqu'à 9h30, on s'occupe de tout pour vous, avec Laure, avec salut. Clément, bonjour. Avec la popo Coucou. Du standard, vous nous écoutez peut-être encore dans le bus, peut-être à Saint-Malo, sur la ligne 4 entre Bignon et Moka. Comme le café, exactement, on salue toujours un petit peu une petite ligne de bus, tous les matins, ce matin, donc c'est à Saint-Malo. Les amis, vous êtes sur Virgin Radio, ça veut dire qu'il y a des cadeaux magnifiques qui vont arriver, une GoPro à gagner, inscrivez-vous au 3916. Plus vous serez inscrit pour le grand tirage au sort de vendredi. Parmi tous les gagnants de la semaine, vendredi en direct, vous aurez donc une chance sur 4 de repartir avec un séjour en Guadeloupe, en hôtel 4 étoiles, valeur 5000 euros, les amis. C'est des séjours qu'on vous offre quasiment toutes les semaines. On veut vous faire plaisir sur Virgin Radio. Le son de Jonas Blue qui arrive, bien sûr, avec Fast Karma à 8h34. On a rendez-vous avec quoi? Avec la réponse à tout. Et bien sûr, de Clément Lincrus, c'est parti. Tonique. Réponse à tout. Le réponse à tout, les amis, n'hésitez pas, hein, c'est chaque jour, vous pouvez croiser Clément dans la rue, il vous pose des questions. Alors, faut être un enfant, oui. Bien sûr, et vous répondez. Et je précise, on a une spéciale enfant mercredi matin sur Virgin Radio, Kids Tonic. Il est pas encore trop tard, il reste vraiment quelques places si vous voulez vous inscrire sur le Facebook. Donc on sera près de 40-50 enfants avec nous pour faire l'émission. On va être épuisé, mais on va se régaler, vraiment, c'est mercredi matin. Laure. Ça va être la guerre, mais c'est pas une image, je préfère vous prévenir. C'est vrai baston. Ah mais ça va être génial les amis. On va voir que des enfants de voilà 6-10 ans avec nous. On va passer une matinée géniale, Clément. Et la réponse à tout ce matin, j'ai demandé aux enfants qui sont les plus intelligents, les garçons ou les filles. Alors la réponse est peut-être dedans et je ne sais pas pourquoi Michel Drucker passait à ce moment-là en hélico. Moi je suis plus intelligent parce que les filles ça regarde des dessins animés et les garçons ça regarde Titanic. Alors les garçons ils font plus de blagues, ils ont plus de choses à dire. Bah moi il n'y a pas de plus intelligent ou pas. Parce qu'elles sont plus gentilles, elles jouent beaucoup. Eux ils aiment plaisanter et nous on n'aime pas plaisanter et... Est-ce que tu serais pas un peu amoureux toi? D'une fille qui s'appelle Jade. Elle est bonne en classe déjà, elle est bonne en blagues, elle fait beaucoup rire. Et elle est beaucoup joueuse. Et elle est belle. Parce que les garçons, parfois, eh ben, ils révisent pas. Et que les filles, eh ben, eux, ils révisent tout le temps pour avoir des bonnes notes. Les filles peuvent danser et en même temps chanter. Nous, les garçons, on est des flemmards. Les filles, elles sont plus intelligentes parce que les garçons, ils font plus de sport que les filles. Et les filles, elles révisent plus. Parce qu'elles croient que vu que c'est des filles, eh ben, elles sont intelligentes. Moi, je proteste et je dis que les garçons sont plus intelligents que les filles. Parce que les filles, eh ben, elles pensent qu'à faire leur chipie. Le réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin et ce sera encore pire mercredi. Je peux vous dire vraiment, ce sera, ils auront le pouvoir de Virgin Radio, on ne servira plus à rien. Je pense que c'est vraiment une émission à pas louper cette année, c'est mercredi matin, Kids Tonic donc. Et Jonas Blue tout de suite, excellent réveil, 8h37. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. Tonic. To anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. Now I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. So fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Leave tonight, we can die this way. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and I was living in the suburbs. You got a fast car. Say fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or we can die this way. So I'm on road, we're driving your car. Your speed so fast, felt like I was drunk. Did I say out before? Send me all the nights wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling that I had a peace to know. Peace to know. Had a feeling that I had a peace to know. Excellent réveil à vous tous les amis, belle matinée. Vous avez choisi le Virgin Tonic, vous avez très bien fait. Les plus beaux cadeaux sont chez nous bien sûr. Virgin Tonic. L'équipe L, on est ravis de vous retrouver vraiment pour cette nouvelle semaine qui démarre. Beaucoup beaucoup de courage à vous qui êtes en voiture, qui êtes déjà arrivé au travail depuis bien longtemps. Là maintenant on va jouer et ce sera comme ça tous les matins. Non seulement pour une GoPro, vous gagnez tout de suite si vous gagnez le jeu, mais en plus vous êtes inscrit tous les matins, donc une chance sur quatre de repartir avec un séjour en Guadeloupe d'une valeur de plus de 5 000 euros. En hôtel 4 étoiles, tout frais payé, le resto, l'hébergement, les activités, c'est magnifique. Vous aurez donc une chance sur 4, vous partez avec la personne de votre choix. Mais pour ça, ce matin, c'est le grand retour d'un jeu qu'on adore. C'est le grand retour et c'est le jeu que vous allez devoir gagner. Le Forain Game. Oh ouais, c'est le Forain Game, c'est le Forain Game. Attention les yeux, lève bien les bras, c'est parti pour 3 minutes de vitesse. Ok, le grand retour de Jason le Forain, bravo! Ouais! Ouais, la table de bonbons, la table de bonbons! Oh. Bonjour Virgin Tonic! Bonjour! Bonjour Jason, comment ça se passe? Alors votre parc, vous le tenez toujours avec votre maman? Ouais, toujours avec maman, là ça se passe bien, record d'affluence, 5 clients ce matin! Ok! C'est un carton absolu! Ce matin, alors Jason, vous allez, du coup, vu que votre maman gère un peu le parc, là c'est encore un peu calme, vous avez préparé un jeu pour nous, puisque vous allez poser des questions pendant que vous animez quand même l'attraction. Ah bah faut bosser quand même les gars, hein, je suis désolé hein. Ouais, donc je pose un peu des questions, je taffe, je pose. Vous avez pas eu des galères avec les intempéries? Si on était un peu nourri, mais du coup on a fait une grosse pêche au canard. C'est bien marrant. Mais ça passait bien quoi. Alors c'est Aurélien qui va jouer avec vous ce matin, Jason. Bonjour Aurélien. Ouais, salut Camille, salut tout le monde. Salut. Aurélien, mon bichon, t'es marié ? Non, je suis en couple, mais pas marié, non. En couple, eh bien tu vas peut-être partir avec ta chérie en Guadeloupe si tu gagnes le jeu ce matin et que t'es tiré au sort vendredi. Tu te sens prêt ? Ah ouais, prêt, à fond, ouais. Alors t'as beaucoup de chance, hein, je vous cache pas, séjour en Guadeloupe de 5000 euros, on a des milliers d'appels, tout le monde veut s'inscrire, c'est bien normal. T'as eu la chance d'être tiré au sort, Aurélien, on va y aller avec une première question de Jason Le Forain, mais je vous sens pas chaud, Jason, ce matin. T'inquiète pas, mon con. Allez, si vous n'avez pas eu de succès en boîte hier, on vient tirer son coup avec Jason à la Une assiette éclatée, c'est la peluche, deux assiettes, le paintball, les trois assiettes, la pocket bike. Allez, c'est parti, poule. On cherche le nom de l'équipe de foot qui a perdu face à l'équipe de France vendredi dernier. James Bond, ok. Allez, attention, poule. On les a battus 3-0 avec un doublé de Gigi, de Giroud. Attention. Oh là là là là, mais quel talent. Et attention, une petite dernière. Oh, j'habite. La déconcentration. Et on finit par la capitale. Et dans vous. Attention, est-ce qu'il a mis celle-là? Oh là là là là. Bah attendez, Ah non, arrête de gueuler, je sais, c'est ton truc de mariage, mais là, si tu veux aller voir Star 80, à un moment, faut que t'arrêtes. Excusez-moi, je... Mais non, mais surtout, je viens de voir un truc qui n'est jamais arrivé sur aucune fête foraine. Vous allez dire que la pocket bike vient d'être gagnée. La pocket bike, on vient de gagner. Parce que pour moi, ils avaient acheté, vous voyez ce que c'est les petites motos exposées. Pour moi, ils en ont acheté une et ça fait 50 ans qu'elle est là. Elle n'a jamais démarré, elle sera jamais gagnée cette pocket bike. On va juste retrouver les roues, mais on est pas mal. Aurélien, est-ce que tu as la réponse à la question de Jason Le Forain? Ouais, c'est l'Écosse. Eh bien sûr que c'est l'Écosse. C'est ça, Jason, hein. Bien sûr, c'est l'Écosse, c'est d'un bout. Attention. On y va, deuxième question, Jason Le Forain avec votre maman. Elle fait quoi là, votre maman, on la voit pas? Ah bah là, elle passe en cuisine, parce qu'attention, je passe dans le resto. Ok, on y va, c'est parti. Allez, bienvenue à l'entrepote, grillade et bon numéro rendez-vous. Attention, j'ai envie de commander un cheesecake pour la 4, des carbons pour la... Enfin, steak frites pour la 7. Allez maman, ça bon, ça bon. Voilà, c'est bon. C'est bon les gars, vous avez une résa? On est combien? Non, c'est bon. Okay. Alors, c'est parti. Il est né le 6 juin 1606. Il est poète et écrivain, il s'appelle Pierre... S'il vous plaît, c'est prêt pour le monsieur qui a pris le coq monsieur, s'il vous plaît, viens chercher son assiette. Économie d'argent. Pas de serveur. Un indice, son prénom est aussi le nom d'un oiseau. Maman, tu éteins la lumière à mon top, s'il te plaît, je mets le CD. Et. Ah allez, Bouillon, bon anniversaire, Bouillon. Allez, maman, zoupe-le. Elle fait voilà. Même le jour que sa mère. Ah, c'est un monde. Et dernier indice, il a aussi un chanteur qui porte ce nom et il chante Basse qu'on vient de loin. Il y a tellement de trucs, je sais même plus quels étaient les indices. Il s'appelle Pierre, il a un monde d'oiseau. Pierre, mon oiseau, il chante Basse qu'on vient de loin. Franchement, je suis resté. Pouvez dire à votre mère qu'elle zouk un peu plus loin de moi, parce que ça est très près quand même. Hein. Non, tu arrêtes d'embêter le monsieur, s'il te plaît. On le péchera. Elle a une main baladeuse, votre mère, Jason. Hein. Aurélien, est-ce que t'as trouvé cette deuxième question? Ouais, Pierre Corneille. Et, voilà. Et c'est Corneille, bravo. Ça fait deux bonnes réponses. La GoPro est pour toi et tu es inscrit pour ce séjour en Guadeloupe. Qu'on t'offre grâce à Corsair, grâce à la Creole Beach Hotel and Spa 4 étoiles. C'est là où tu séjourneras peut-être avec ta chérie. Tu peux remercier Jason, Aurélien. Ouais, merci Jason Le Forain, merci. Pas de soucis. Merci à vous d'être avec nous. Aurélien, je t'embrasse très fort, je te retrouve vendredi. L'inscription pour ce jeu, donc c'est tous les matins au 39-16. N'hésitez pas à tenter votre chance aussi. 9h moins le quart, Gossip, Heavy Cross. Vous pouvez me le faire, vous me lancez Gossip. Alors on adore ce morceau. Vous le lancez version genre, on est dans le manège le plus fou de votre parc d'attractions. Attention, levez les bras, c'est parti. On baisse les bras, on serre les fesses. Attention, on part à toute vitesse. Est-ce que vous êtes prêts pour Heavy Cross? Ouais. It's a cruel, cruel world to feast on your own.

Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseau participant. Écoutons Jeanne pendant le mois des économies d'énergie. Avec Ixina, j'ai fait le plein d'énergie positive grâce à mon électroménager faible consommation offert à l'achat de ma cuisine. Le spécialiste cuisine nouvelle génération. Conditions en magasin et sur Ixina.fr. Virgin Radio. Le nouveau. Yo, Julien Peretta. Vous allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. So hard to think about what we could have been. Where life could have taken us. Blame it on the wind and cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Yeah. I couldn't make it any more harder. I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Belle matinée à vous tous. Merci d'être si nombreux dans le Virgin Tonic, de nous rejoindre plus nombreux chaque jour, de quitter vos habitudes, de quitter la radio que vous écoutiez depuis pas mal d'années pour nous rejoindre depuis à peine un an et demi qu'on est là. C'est incroyable ce qu'on vit grâce à vous. 1 800 000 Français à être là avec nous entre 6h et 9h30 chaque matin. Un grand merci pour ça. Un point sur l'actu à 9h comme chaque jour. Ça, c'est important. Et puis, loyer, bien sûr, à 9h20 à vous offrir. Et la foire aux questions, toutes les questions que vous avez envie de nous poser, toute l'équipe devra répondre avec franchise. Dans un instant, c'est le 39-16, bien sûr, pour nous joindre. Et alors, aujourd'hui, lundi 6 juin, journée mondiale de la mini-jupe. Si j'avais su. Les filles n'étaient pas au courant. Ah, bah ouais, c'est vrai. Montre Ginger. Ah, Ginger l'a fait. Oh là là là là, mais c'est pas une jupe, c'est une ceinture. Ça, tout de suite, voilà, bravo. C'est une ceinture, t'as oublié le jean. Oh là là, journée de la mini-jupe. Alors c'est vrai que les filles, on est heureux quand l'été arrive. Vous mettez des tenues un peu sexy. Les garçons, on adore forcément. Même si moi, bizarrement, je suis plus femme d'hiver que femme d'été. Ah ouais. Ah, c'est là où je trouve le plus craquante. C'est quand on mettait la petite écharpe, le petit bonnet et tout. Je sais pas pourquoi ça me fait craquer. Bah moi en hiver, je suis pas craquante hein. Bah en été, si. Non mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. Je suis un peu à l'inverse. Mais enfin, en même temps, il y a toujours des moments où on trouve notre chérie C'est craquante. Bah oui. Bah ouais, c'est toujours clair. Toujours. Moi, c'est quand elle fait des couettes. De quoi ? Tu sais, des petites. Des fois, elle se fait deux couettes, là, on dirait que c'est Britney Spears. C'est mignon, ça. J'aime bien, je te jure, je trouve ça mignon, Clément. Moi, c'est quand même dans les films et tout, elles sortent de la douche. Tu sais qu'elles ont une serviette autour du corps et elles sortent de la douche dans la salle de bain. Elles sont propres. Ou quand elle rit. Quand votre chérie, elle rit. Ouais. Le moment où elle est plus belle quand elle rit. Ah bah bien sûr. Ça dépend des rires. Ouais, c'est le meilleur des maquillages, le sourire. Mais non, mais c'est vrai, quand elle rit, ta chérie, elle est magnifique. À quel moment tu trouves ton chéri magnifique, ma petite Laure ? Moi, c'est quand il met son petit Marcel blanc pour aller se coucher. Dans Marcel ? Ça me fait craquer. Alors, il a un geste que j'adore, que je trouve sexy plus que tout, c'est qu'il l'enlève pas comme ça, par en dessous, comme tout le monde. Il l'enlève en tirant là, je sais pas, je trouve ça ultra viril. En tirant par l'étiquette ? En tirant par l'étiquette, exactement. Je trouve ça hyper viril. Oui, Nico du bureau. Enfin, Marcel, ça va pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est dans la pub Coca-Cola Light, quoi. Oui, mais il faut avoir le corps de Juju. Ouais. Voilà. Bah, nous, un Marcel, c'est. Non. c'est tout de suite moins bien sur Clément et moi. Oui, Clem. Moi, c'est pour ça que j'adore le foot. J'ai voulu acheter une fois un maillot de basket de Jordan et avec mon corps, les maillots de basket, c'est pas possible. Du coup, je me suis mis à regarder le foot. Voilà. C'est une bonne blague. À quel moment, appelez-nous, hein, vous trouvez votre chérie, c'est le moment vraiment où vous le trouvez le plus sexy ou la plus sexy. Pauline, au standard. Moi, mon ex, c'est quand il portait les courses et surtout les packs d'eau. Genre, je me pavanais devant, je voyais les filles passer, genre... Vous portez vos courses, pas moi. Il est hyper fort. Ouais, vous aimez bien quand on porte vos sacs. Ah ouais. Quand vous portez des trucs. Non, quand vous portez des trucs lourds et que vous suez pas et que ça a l'air hyper facile. Ah, il faut pas suer. Bah, ah non. Merci. Il y a Hugo qui dit ma copine est trop sexy quand elle boit à la bouteille. Ah, elle balance ses cheveux en arrière, on dirait une pub pour Salvetteur. Sauf que c'est du vin rouge. Charlotte qui dit mon copain est trop sexy quand il essaye d'arranger un truc sur la voiture, il se met du cambouis partout. Ouais, c'est un peu comme Jules quand t'as un côté un peu un baroudeur, bricoleur, Clément. Moi, mon ex me faisait croire ça en me disant ah, t'es tellement beau quand tu. Vas-y, regarde, pose l'étagère. Elle me faisait faire des trucs comme ça en me disant ah, t'es trop sexy. En fait, pas du tout. Oui, ma petite Laure. Moi, il me trouve sexy quand je défais ma queue de cheval parce que on dirait une pub pour Elsev. Tu vois. Derrière, t'as une petite douche, saveur papaye. À quel moment tu trouves ton mec sexy? Tiens, on va demander à Ginger maintenant. Elle a un mec à Toulouse. Bon, il s'appelle Richard, mais Richie. Bon, Richie. Richie Toulouse. Alors, à quel moment il est mignon, Richie? Moi, j'aime bien quand il remet ses cheveux. Tu sais, il a les cheveux qui partent un peu n'importe comment, et juste quand il passe sa main dans ses cheveux pour les remettre en arrière, en disant non, mais non, là aujourd'hui, je me sens pas terrible. Ouais. Oh là là, c'est le faux décoiffé, ça. Ouais, c'est ça. Ça, genre, c'est Richie, ça. Trop la classe. Il est un peu grisonnant en plus. C'est magnifique. Ouais, il a 62 ans. Il est bien conservé déjà. Thomas, est-ce que t'es en couple ou pas, mon bichon? Salut. Oui, salut Camille. Oui, je suis en couple. Et alors, est-ce qu'il y a un moment particulier où tu trouves ta chérie plus sexy qu'à n'importe quel moment? Ah ouais, c'est quand elle est stressée. En fait, quand elle est stressée, par exemple, elle cherche ses clés et elle commence à stresser parce qu'elle les trouve pas. Et là, elle plisse les yeux, elle plisse le nez, elle fronce les sourcils. Et à ce moment-là, je la trouve super sexy. Bon, le problème, c'est que du coup, quand elle cherche, après, moi, je me fais engueuler parce que je l'aide pas, parce que je la regarde. Mais est-ce que tu caches les clés exprès aussi? Parfois, ça peut m'arriver. Oui, Laure. Mais il faut qu'il lui dise qu'il la trouve sexy à ce moment-là et elle sera plus énervée contre lui. Ah ouais, mais non, c'est pas le bon moment. Mais est-ce que du coup t'aimes tellement quand elle cherche les clés, tu lui fais des épreuves à la Fort Boyard? Genre il faut qu'elle traverse des trucs et tout. Pense à l'assaut. T'en es pas là quand même. J'hésite pour l'épreuve des poteaux là avant les. Bah oui, c'est bien. Ma popo au standard. Mais c'est vrai que des fois ton chéri ou ta chérie cherche un truc puis tu le dis pas. Tu sais où il est, mais tu le dis pas. Moi, je faisais ça. Ouais, mais moi, souvent, elle cherche les embrouilles et. Tu dis rien. Et souvent, elle les trouve. Ouais. Elle cherche, elle les trouve. Tiens, il y a Noémie qui est avec nous. Salut, Nono. Salut, Camille. Comment tu vas, Nono? Ça va, merci. Et toi, Camille? T'habites où, Nono? J'habite au Mans. Au Mans? Et alors, est-ce que t'es en couple avec un ou une chérie, Nono? Ouais, je suis en couple. Et alors, à quel moment tu le trouves sexy? C'est au moment du petit déjeuner, tu sais, quand il a la petite miette coincée là, dans la bouche, j'adore ça. La en miette, plus, c'est gourmand. Dans la moustache. La miette, dans la bouche. Ouais, tu sais, entre les lèvres, là, légèrement, là, je trouve ça trop sexy et puis gourmand. Ah oui, au coin des lèvres. Ah ouais? Ah ouais. Là, moi, je suis parti dans un autre délire de brossage de dents, vous savez ça? Ah d'accord. Enfin, alors, écoute bien, Noémie, j'ai opté pour une brosse à dents électrique et carrément, vous savez, maintenant, ils connectent tous les appareils, donc elle est connectée à mon téléphone. Mais ouais, génial. Et donc, samedi, quand je me suis lavé les dents assez longtemps, et du coup, il y a un sourire qui s'affiche sur mon téléphone de t'es bien lavé les dents. Ah, mais ça change tout. Ah, franchement. Il est tout se passé. Ah ouais, franchement, c'est génial. Il y a un avant et un après, on est d'accord. Ouais. Hein, c'est notre vie qui commence. Est-ce qu'il faut mettre du dentifrice, je sais pas. Bien sûr, mais Non, mais j'en mets, mais je savais pas, du coup, je sais pas. Ah oui. Mais c'est génial. En plus, t'es encouragé, le petit smiley, t'as envie qu'il arrive, t'as tu vois. Vu et donc là, t'as deux minutes et tout, machin, après ça s'active, il dit attention, faut changer de face de la dent et tout, c'est génial. Oui, Clément. Et puis économie de dentifrice, parce que comme la tête est toute petite, t'en mets moins. Donc j'avais le sentiment de sauver la planète jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une brosse à dents électrique quand même. Et surtout, ça branche. C'est galère, non? Je vois pas en quoi mettre moins de signal, ça sauve la planète. Tu sais que c'est pas les ours polaires qui font le dentifrice. Ouais, mais ça fait moins de tubes et à long terme, ça fait moins de caoutchouc. Mais sauf que tu laisses brancher toute la journée le truc, donc ça fait tourner l'électricité. Mais bien sûr, t'es malin, toi. J'ai trouvé. T'es malin, toi. J'ai trouvé mieux, je me brosse plus les dents du tout. Ah non, ça c'est mal. Vive la planète. Non, ça c'est mal parce que moi je suis à côté de lui quand même. En fait, tu fais comme Robbie Williams, tu fais moins de tubes. Ça a décidé. Oui, Clément, Nico du bureau, pardon. À une époque, mon dentiste m'avait fait acheter Broxoget, ça s'appelle. C'était carrément pour rincer les dents. C'est-à-dire que c'est comme un petit karcher que tu mets dans les dents et qui envoie des petits jets d'eau. Ouais, mais ça chatouille. Ça chatouille à mort, mais par contre, après, t'as les dents hyper. Mais non. Là, moi, je suis vraiment. Là, je suis sur la brosse à dents Oral-B, c'est un délire. Ah, c'est génial. Franchement, c'est un bon délire, Clément. ça bip toutes les 30 secondes. Ouais, ouais, ça te dit toutes les 30 secondes. Et quand t'appuies trop, ça fait « t'appuies trop ». Ouais, c'est vrai. Ça te fait un signal de « oh, mollo l'artiste, là !» C'est de la brosse à dents électrique. Oui, Clément. Tu sais que depuis tout à l'heure, on essaie de gagner du temps parce qu'on sait que tu veux nous faire poser des questions sur nos vies tout à l'heure. Et on se dit peut-être que si on gagne du temps... Ah non, non, non, pas du tout. Dans un instant, restez avec nous. Vous nous appelez au 3916. Vous pourrez poser à moi et à toute l'équipe toutes les questions que vous voulez. Et tout le monde devra y répondre avec franchise. Laure, j'ai dit avec franchise. Oui. Attention, restez avec nous sur Virgin Radio. J'embrasse la nono, j'embrasse le toto qui sont avec nous au 3916. On va écouter The Avener. Vous l'avez découvert chez nous, on l'aime beaucoup. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Un dernier point sur l'actu, le Virgin Tonic. De toute façon, c'est avec vous tous les matins jusqu'à 9h30. Info Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, des nuages et des éclaircies. Le soleil revient timidement aujourd'hui sur la plupart des régions. Peut-être des averses orageuses sur la moitié nord. Côté Mercure, ça remonte jusqu'à 24 degrés pour Lille et Angers, 25 pour Paris et Bordeaux, 26 degrés attendus à Reims et Rodez. La crue pourrait coûter plus d'1 milliard d'euros une semaine après le début des intempéries. L'heure est au bilan. Manuel Valls fera un point sur la situation ce matin au ministère de l'Intérieur avec les ministres concernés. 7600 foyers était encore privé de courant hier soir. 14 départements en Ile-de-France, en Normandie et dans le centre sont toujours en vigilance orange, mais la situation s'améliore. Il faudra au moins une semaine pour que la Seine retrouve son niveau habituel. L'état de catastrophe naturelle sera décrété mercredi. La réunion de la dernière chance, les négociations sur l'organisation du temps de travail à la SNCF vont reprendre ce matin entre la CGT, Sudrail et le gouvernement. La grève entre aujourd'hui dans son 6e jour consécutif. 6 TGV sur 10 sont annoncés aujourd'hui. Même chose pour les TER, environ 1 intercité sur 3. À 4 jours du coup d'envoi de l'Euro 2016, le gouvernement espère désamorcer le conflit sur la loi travail. Les pilotes d'Air France ont également déposé un préavis de grève à partir de samedi. L'évacuation depuis 7h ce matin d'un campement de migrants à Paris. Plus d'un millier de réfugiés étaient installés depuis plusieurs semaines dans les jardins des halls. Ils vont être répartis dans une soixantaine de centres, dans des gymnases notamment. Au moins 3 morts, une quarantaine de blessés, bilan d'une collision hier soir en Belgique entre Namur et Liège. Un train de voyageurs qui roulait à une vitesse élevée a percuté un train de marchandises à l'arrêt sur la même voie. Aux États-Unis, dernière ligne droite pour Hillary Clinton dans la course à l'investiture présidentielle. La candidate démocrate qui a remporté cette nuit la primaire de Porto Rico devrait dépasser demain la majorité requise de délégués. 6 États dont la Californie seront appelés à se prononcer. Un invité spécial hier soir à Clairefontaine en pleine préparation de l'Euro 2016. Les Bleus ont reçu François Hollande à dîner. Le chef de l'État les a encouragés. La France affrontera la Roumanie vendredi à Saint-Denis en match d'ouverture. Et puis en tennis, Novak Djokovic est entré dans l'histoire hier en remportant pour la première fois de sa carrière le tournoi de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial s'est imposé en 4-7, un peu plus de 3 heures de jeu face au Britannique Andy Murray. Le Serbe qui est devenu le 3e joueur à remporter 4 épreuves du Grand Chelem à la suite. Voilà pour l'actu de ce lundi. Belle matinée, vous retrouvez Camille Combal. Virgin Tonic est avec vous. Excellente matinée à tous. Merci d'être avec nous. Courage si vous êtes en voiture encore à cette heure-ci. Les filles, peut-être parties un peu en retard. On finit de se maquiller au feu rouge. Eh oui. Eh ben, c'est le principe. En tout cas, bon lundi, belle nouvelle semaine. J'en suis sûr qu'il va bien se passer pour vous. En tout cas, on prend soin de vous. 6h, 9h30. Chaque matin, toute l'équipe est là, bien sûr. Yes. Oui. On a un loyer à vous offrir. Le dernier de la matinée qui arrive dans un instant. Près de 2 400 € de loyer offert déjà ce matin. Et on a un dernier tirage loyer au 7-12-13 par SMS. N'hésitez pas, inscrivez-vous, vous passerez peut-être en direct sur l'antenne comme Julien de la Drôme. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Julien ? Virgin Radio ! Bonne chance à tous, c'est comme ça, 4 tirages tous les matins pendant toute la semaine. On est en direct avec vous, 6h, 9h30. Émission exceptionnelle, mercredi matin, le Virgin Kids Tonic. Trop bien. Avec une cinquantaine d'enfants, on sera en direct dans une dans un studio là en public. Ça sera une immense garderie. Ils réagiront à tout. Ils seront avec nous. Ils chanteront direct. Ils feront des épreuves. Ils nous testeront aussi nos connaissances de l'équivalent d'un élève de CE2, CM1. Oh là là. Vraiment, ça va être une émission exceptionnelle à vivre mercredi matin. Vous l'avez entendu, c'est The Avenger qui arrive pour le pop rock et électro. Mais tout de suite, l'équipe est prête, l'équipe stresse, moi le premier, puisqu'il est grand temps d'instaurer un nouveau rendez-vous. C'est la foire aux questions. Comment on fait des bébés? L'heure. En fait, c'est qui, Pauline? Qui c'est qui a pété? Est-ce que Camille est vraiment un garçon? La foire à questions. Trop bien ce jingle. La foire à questions, vous nous appelez au 3916. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à l'équipe. Voilà, l'équipe est là, vous choisissez qui vous voulez, vous lui posez une question. Il y a plein de gens qui nous ont appelés. On en a évidemment gardé beaucoup. Il y a Olivier notamment qui est là. Salut Olivier. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Sois le bienvenu. Olive, tu vas inaugurer cette foire aux questions 39-16 et vous nous demandez tout ce que vous voulez, on est obligé de répondre. Olivier, je ne sais même pas qui tu veux poser une question, c'est à toi, tu es en direct sur Virgin Radio. Alors moi j'ai une petite question pour Laure. Ah, oui. Ça me fait plaisir. Laure, dis-moi. Oui. Est-ce que Juju est jaloux d'un mec de l'équipe? Alors Juju, c'est ton mec? Ouais. C'est une excellente question qu'on n'a même jamais pensé à poser. Ouais, ouais. Mais on le connaît tous bien, donc ouais. Je pense pas. Mais tu ne sais pas qu'il est jaloux de toi, Camille. Il est jaloux de moi? Ouais, parce que je ris à toutes tes blagues et que tu me fais rire et que j'y peux rien. Et ça le rend hyper jaloux parce qu'il peut pas rivaliser là, sur ce terrain. Ça veut surtout dire que tu rigoles pas aux miennes. Là, il est moins jaloux de Clément. Bah parce qu'il le considère pas comme un danger. Ouais. Juju... Je vais te dire un truc, n'aie pas peur. Mon Juju, il vient en plus changer encore d'appart avec Laure. Ouais. Ils vont se marier bientôt. Ouais. Juju, tout va bien. Je vais te dire, on la trouve très belle, on l'adore. On te la laisse, Laure, on va pas te la piquer. Mais non, mais en vrai, alors, moi... On te la donne. Non, au contraire, on te la laisse. On te la laisse, mon bichon, vous êtes heureux comme tout. Ne sois pas jaloux, Juju. Olivier, question très gênante. Ah ouais, mais bon. Clair. On est... On est obligé de tous répondre avec beaucoup de franchise. Qu'est-ce qu'il y a, Nico Dubureau? On aura bien échangé d'ailleurs l'or contre la bouilloire, si c'était possible. Oh, non. Je ne vaux pas plus qu'une bouilloire. Si, la bouilloire que l'or a volée, il y a de ça plus d'un. Hein. Fameuse histoire de la bouilloire, on ne la résout pas. On attend le fait d'entrer l'accusé spécial bouilloire. Mais je peux t'expliquer l'histoire? Pas du tout, merci. Tom a également une question. Salut mon Tom. Salut toute l'équipe. Alors moi j'ai une question pour Clément. Ah, alors, bonjour. Clément, voilà, combien action. De râteaux as-tu pris en draguant à Virgin Radio? Oh, alors attends, qu'on soit clair, c'est important. Ah, Virgin, je rappelle, hein, c'est toutes les questions que vous voulez. Top. Donc tu considères des personnes de Virgin Radio? Ouais. D'accord. Seulement à Virgin Radio, Clément? Ah oui. Voilà. Sois honnête, franchement, ça peut être zéro, ça peut être plusieurs. Non mais à Virgin Radio, si un. Un à Virgin Radio. C'est qui? Roberto, le patron. Non, non, mais j'ai eu le malheur de trouver une fille super et je me suis enflammé. Et vous me l'avez ramenée ici. Ah, dans c'est les vrai! Studios. Ah, oui. Et elle est arrivée, elle m'a dit, mais je suis en couple. C'est vrai. Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai, elle est très jolie d'ailleurs. Elle travaille plus ici, mais je l'ai sur Facebook, elle vient de se séparer. C'est pas vrai. Elle travaille plus ici? Non, elle travaille plus ici. Elodie. Elodie, qui travaille à la pub, on l'avait ramenée, Madame l'Incruste. Ouais. Et c'est vrai que ça n'avait pas matché. Bah belle, non, hein. Si, mais elle est en couple. Non, mais non, ça n'avait pas matché, clairement. Tu sais, quand l'amour est là, quand l'amour frappe à ta porte, bah oui. Ou pas, tu quittes l'amour. Ah ouais. Bah là, elle l'a quitté, mais peut-être pas pour moi. Très bonne question. Et vous avez des questions magnifiques. Hein. Mm. On va demander à Julie si elle a une question aussi. Bah, si elle nous appelle, c'est qu'elle a une question. Bonjour Julie. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai une question, Camille, elle est pour toi en plus. Ah mince, on a plus le temps. On est un petit peu pressé. Dis-moi tout, ma Julie. Toutes les questions, je ne sais même pas à qui elles vont. À chaque fois, ça peut être moi, bien sûr. Julie, attention, suspense. Alors, quelle est ta question? En sachant plus... que, ah, sachant que j'ai des beaux cadeaux à vous offrir toute la semaine. Non, t'arrête, non, que je peux en offrir à tout moment. Non. Ah oui, bon, bah, bonne journée, au revoir. Non, Camille. Un séjour en Guadeloupe, quand même, d'une valeur de 5000 euros. C'est pas vrai. Mais il est 9h, il n'y a plus de jeu là, donc c'est pas grave. Non, mais alors... tu sais, une inscription peut arriver comme ça par hasard. On y va, ma Julie. Alors, le plus en beau... sachant que je connais Florent Pagny de The Voice, peut-être aussi une copine qui veut faire carrière dans la chanson. C'est moi qui lui pêche ses crocodiles pour qu'il fasse des vestes. Je ne te laisse pas influencer. Alors, Camille, quel est le plus beau et le pire cadeau que ta chérie t'ait fait? Ah, c'est horrible. Ah ouais, ça c'est une embrouille assurée. Ah ouais. J'ai envie de foutre ta merde, moi. La merde. Que le plus pourri, si tu veux. Le plus beau cadeau, c'est de me soutenir. Chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, elle est là à mes côtés. Magnifique. C'est beau. Et le pire maintenant, bon courage. C'est d'être là à mes côtés. Moi, j'accepte la réponse. Tu vas avoir des problèmes, hein. Abusé. C'est très drôle. Non, c'est un pull qu'elle m'a ramené de voyage. Elle fait beaucoup de voyages. Et c'est un pull qu'elle m'a ramené. Et à chaque fois, en fait, ça vient de... je sais plus le pays. Ça ah, tu vient... sais oui, oui, ils dorment dans des yourtes. Ah, ah bah, Mongolie. La Mongolie. Oui, voilà. Et donc, bah, il sentait la yourte. Hein. Oh. Elle l'a ramené. Donc, c'est un truc vraiment fait par un artisan là-bas. Je l'ai jamais porté parce que bon, ouais, je vous cache pas que c'est pas des tailles slim. Hein, et il a une odeur qui fait que ouais, il a une odeur. Ah. Et donc, c'est un peu le ouais, c'est voilà. Bah, tu le mettras demain. C'est horrible. Donc, c'est déjà il est pas joli, mais en plus, il a ouais, il y a l'odeur et tout qui va avec. L'odeur va avec la couleur. Oui, Laure. Mais je te comprends tellement. Juju m'a ramené du Maroc un sac. C'est un chameau en fait. Ah oui, c'est vrai que ça sent. Non, mais fort, c'est un ça. Chameau. C'est-à-dire qu'il m'a mis un chameau dans la pièce. Non, non, fait. Oui, ça sent. Mais merci. Hein, mais en plus, ça me voilà. Et c'est gênant, Julien. C'est très gênant. Attention. On va poser une dernière question très vite. Anaïs, est-ce que t'as une question, ma chérie? Sois la bienvenue. Salut Camille, ouais moi j'ai une question pour Pauline. Oh ah, c'est la dernière, alors on n'avait pas encore eu Pauline. Vas-y, on t'écoute la question pour Pauline. Alors moi je voulais savoir si t'étais prête à sortir avec le mec parfait, mais s'il était allergique au chat, est-ce que tu pourrais sortir avec lui? Mais non, c'est mon enfant, on sort pas son enfant de chez soi. Non mais tu peux aller dormir chez lui, genre l'homme ouais. Parfait, tu refuses pour rester avec Kinette ta chatte? Ouais. Ce serait très compliqué, comment on pourrait faire? Bah faut faire des choix. Hein. Bah faudrait qu'il soit riche et qu'il fasse un petit domaine pour elle. Tu fais un petit... Sinon tu laisses ta chatte à ta mère sinon. Sinon tu sais quoi? Tu laisses ta chatte à ta mère. Ça, ouais. Dit comme ça, c'est Julien. Ça pourrait presque un truc à dire dans l'école, dans des cours d'école, quoi. Laisse ta chatte à ta mère. Dit sur un autre ton, tu vas tout de suite, ça devient plus agressif. Anaïs, merci à vous tous, faut le refaire, ça. Hein. Merci à vous tous de nous appeler au 3916. The Avenger, we go home. Vous êtes en direct sur Virgin Radio, excellent réveil. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. Un excellent réveil à tous, vous avez fait le bon choix, le Virgin Tonic, ça continue et je vais vous dire, on n'est pas là pour enfiler des perles. Dans un instant, on vous offre un dernier loyer les amis, déjà 2 300 € de loyer offert, un SMS suffit, loyer au 7 12 13. Vous laissez bien votre numéro de téléphone, c'est pour vous remercier d'être si nombreux à nous suivre, d'être si fidèles chaque matin à l'émission. J'espère que cette semaine démarre bien pour vous. Lundi 6 juin, une semaine exceptionnelle encore. Hein. Le loyer, bien sûr. Un séjour en Guadeloupe d'une valeur de 5 000 euros. Et puis une émission incroyable. Ouais. Écoutez ce qu'on vous a préparé mercredi. Oh là là là

Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. Tous les matins à 9h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Et encore un peu en retard, on s'excuse tous les jours, on s'excuse, je sais que c'est un rendez-vous important pour vous, mais on kiffe tellement être avec vous, on se met en retard comme des idiots. 9h23, vous êtes en direct sur Virgin Radio, c'est lundi, aujourd'hui le 6 juin, j'espère que tout va bien pour vous, je sens que cette semaine va bien se passer pour tout le monde, l'équipe est là bien sûr. Oui, et pour vous remercier de votre fidélité, on a un rendez-vous hein, toutes les heures avec le loyer, 6h20, 7h20, 8h20 et maintenant 9h20, dernier tirage au sort. On a déjà eu Fabien, gagnant, 6h20, Michel, 7h20 et Nadia à 8h20, 2300 euros de loyer déjà offert. Et le dernier tirage maintenant, je vous souhaite bonne chance à vous tous qui vous inscrivez, peut-être pour la première fois, peut-être chaque matin. Je vous appelle en direct, je vous demande quelle est la seule radio à vous faire un si beau cadeau. Il n'y a pas de piège, on est les seuls. Vous répondez Virgin Radio et c'est gagné pour vous. Il faut que ça décroche là. Ouais. On fait beaucoup de 4 à la suite. Hein. Oh. On a beaucoup de chance en ce moment. Bonjour, ouais. Non, non, non. Je ne sentais pas. C'était qui le Nicolas. Nicolas Nico, fallait décrocher. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Mais je veux remettre un César à l'or pour son jeu d'actrice de. Oh non, non, non, mon Dieu, non. Ça n'a pas décroché. Parce qu'on est déçus. On est déçus. Et je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup de radios comme ça. Même Fredo, notre patron qui est dans le couloir, est déçu de ne pas payer le loyer. Je vous dis, vraiment, c'est vrai, on aime avoir des gagnants toutes les heures. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça reste déjà des très beaux gains. 1300 euros ce matin. Et retour du loyer demain, vous l'avez compris. Hein. Il faudra vous réinscrire. Désolé pour vous tous qui avez bien votre téléphone. Près de vous. Un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit. Voilà encore ce qui vous est remboursé demain, 4 fois par matinée. C'est votre rendez-vous, bien sûr. Je vous rappelle aussi que, attention, mercredi, c'est l'événement. Hein, le Kids Tonic. Ouais. Mercredi matin, 6h-9h30. On va finir cette émission essorée. Ouais. On va avoir une cinquantaine d'enfants âgés entre 6 et 10 ans qui feront toute l'émission avec nous. Ils réagiront à tout, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront chanter. On cherchera leur incroyable talent, on va faire plein de trucs. On leur mettra un détecteur de mensonges aussi. Oh, c'est génial. On leur demandera s'ils ont déjà fait des bêtises ou quoi. On a un détecteur de mensonges, on leur placera. Oui, Pauline. Ouais, moi j'ai été animatrice BAFA. Donc il y avait des fois 50, 60 enfants. Au début, ils sont hyper timides pendant. Ça dure 4 minutes. Ouais. Et à un moment, après... c'est comme s'ils enlevaient un masque. Et c'est la folie quoi. Enfin, en même temps, monitrice BAFA, c'est pas tellement gérer les enfants. Hein. C'est quoi, faire la fête? Ouais, c'est faire la fête entre moniteurs le soir, chanter du Georges Brassens, fumer des joints, on connaît. Hein. Ouais, enfin... On chantait aussi de Bob Marley. On connaît un petit peu le côté BAFA. C'est pas exactement ça, mais j'avoue, une fois, on a perdu un enfant. Parce que le pauvre, ils étaient tous français, il y avait un qui était espagnol. Du coup, il était pas du tout, il se sociabilisait pas du tout, et il a disparu. Mais en fait, il était pas loin, il était allé tout seul à l'Acrobranche. Tout seul en Espagne. Oh mon Dieu. Quelle horreur. C'est horrible parce que j'étais animatrice et secrétaire, donc je m'occupais aussi de noter les enfants qui étaient là et pas là. Quand j'ai vu qu'il avait disparu, c'était horrible. Donc, en fait, tout allait bien, il était à l'Acrobranche tranquille. Il a passé une super journée, muchos muchos plaisiros. Oui, c'est Clément. Est-ce qu'il a escaladé la tour Eiffel? Parce qu'il n'est pas espagnol et colombien, j'ai vu le film aussi. Pas de dans la ville. Oui, Laure. Quand je pense que j'ai laissé ma fille à garder à Pauline, Acrobranche. Toute l'après. Je regrette. Pierre-Alex va vous accompagner jusqu'à midi. Alors demain, on va être de retour. Salut mon poteau. On va évidemment être de retour avec le réponse à tout, avec la question de ouf, la question de demain, Clément. La question, pourquoi c'est bien d'être en couple l'été? Voilà, si vous avez la réponse, pas beaucoup d'appels, mais il y a plein de mecs qui se posent la question. Essayez de trouver des bonnes raisons. 01 84 07 08 09. L'émission est à retrouver bien sûr en podcast. On reste avec vous toute la journée sur les réseaux sociaux. Alors d'habitude, on fait la chanson Rien qu'à toi. Mais Nico Bou, le musicien de l'équipe, est malade aujourd'hui. Oui, il faire la crevanche, pas le garder. Enfin, ou malade, ou alors je rappelle que dans la dernière chanson Rien qu'à toi, il a quand même demandé à sa femme de faire un deuxième enfant. Ah, ils sont bien. Peut-être. Voilà, en tous les cas, il n'est pas là, mais dès demain, retour de ta chanson Rien qu'à toi, bien sûr. Un séjour en Guadeloupe d'une valeur de 5000 euros, on vous l'offre tous les matins. Des séjours tout frais payés au parc Astérix. et votre séjour aussi, tout frais payé sur le Axbot Festival. C'est le plus grand événement voilà, de l'été, hein. C'est une grande fête, on en entend parler depuis des années. Vous pourrez applaudir des artistes formidables comme Breakbot. Yeah, j'adore. Lilywood and the Prick, voilà plein d'autres. Vraiment, vous allez vous régaler sur le Axbot Festival. Et un autre qui a des beaux cadeaux, c'est Pierre Alex. Mais voilà, mais en fait, on les enchaîne sur Virgin Radio, les cadeaux. Parce que moi, ce matin, je vous offre le Big Festival à Biarritz. Oh, imaginez un festival sur une plage avec les plus grandes stars. Donc, il y aura Pharrell Williams. Pharrell Williams, Môme et beaucoup d'autres. Ça va être un truc de malade. Il y aura Pharrell Williams. Il sera là. C'est énorme. Classe. Il donne très peu de concerts, hein, Pharrell Williams. Très peu. Et on a du Pharrell Williams festival pour venir. On a ça, Pharrell Williams, Happy, bien sûr, mais pas que, plein de choses, magnifique, super. Hey. Il est juré dans le The Voice américain, Pharrell Williams, c'est énorme quand même. Vous imaginez, ma petite Pauline, moi je suis allée le voir en concert. Comme t'as tout le temps ton téléphone, je commence à croire que t'es Pauline. Je suis allée voir Pharrell en concert. Alors il fait très peu de concerts. Pharrell Williams. Il fait très peu de concerts et il chante très peu pendant ses concerts. Mais non. C'est super. Ah non, mais c'est super. Mais il y a beaucoup de choristes. Ah, il chante très peu. J'ai vu sa sœur moi en demi-finale de Roland Garros là. C'est bien joué, mais bon, un problème au fond de cour. Mon petit Pierre Alex, et bon, on va t'écouter jusqu'à midi. Ça nous fait très plaisir. On va te rendre avec une minute d'avance qui te sera décomptée dès demain. 9h29. D'accord. Décompté du salaire. Non, décompté de ton temps, c'est-à-dire que demain on rendra au moins à 31. Très bien. Ça ira ? Ok, très bien. T'as fait quoi ce week-end ? Tu sais, il va falloir en rattraper des heures de toute façon. T'as fait quoi ce week-end ? Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait de beau ? Bah, moi, je suis resté à la maison ce week-end. Petit week-end à la maison, tranquille, voilà. Alors, tu fais quoi ? Tu joues à la PlayStation ? Tu fais quoi ? C'est quoi un week-end de Pierre Alex ? Alors, un week-end de Pierre Alex, ça commence avec un petit peu de muscu, tu vois. Bah, non, mais en vrai, tu fais du muscu chez toi. Ouais, bah voilà. Non, développé couché, comme ça, direct, tu vois. Non, on fait que coucher avec lui. On développe pas trop, nous. Non. Voilà, puis après Pierre Alex, il se relaxe pendant tout le week-end. Ah, il parle de lui à la troisième personne. Alain Delon. Oui, Clément. Je parle un peu le Pierre Alex, tu veux de la traduction ou pas ? Ouais. Il se relaxe, ça veut dire je suis allé sur Tinder. Non, le rire, il est le rire de c'est gênant, mais il avait tellement raison. Eh ben, c'est parti, Pierre Alex, jusqu'à midi, le beau gosse de Virgin Radio qui vous accompagne. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures en direct des 6h. Salut, ciao, ciao. Et on commence avec Sia maintenant. Ce que tu dis ? Bah ouais, ça y est, c'est déjà fini. Il est sympa ton boulot, toi. À demain. On commence avec Sia maintenant. Lui, il est chirurgien demain. Il passe dans la truc, il dit on va vous opérer. C'est ça. Et il s'en va. Il dit mais de quoi ? On fait quoi ? Comment on se revoit ? Ça se passe comment ? Opérer. Bonne journée, mon frère. Allez, c'est parti, Sia sur Virgin Radio. Bon réveil à tous. Salut. Les enfants prennent le pouvoir sur Virgin Radio. Rendez-vous mercredi dès 6h sur Virgin Radio. Pour 3 heures de direct juste pour les enfants. Virgin Radio. Pop, rock, électro. Connaissez pas encore notre aventure, Audrey Delors. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâterai tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile. Je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Virgin Radio, bonjour, bienvenue en ce lundi matin, c'est Pierre-Alex avec Calvin Harris qui arrive. Calvin Harris et Taylor Swift qui ont brisé le cœur de millions de fans dans le monde entier en annonçant officiellement sur les réseaux sociaux leur rupture. Voilà, ce qui a valu à Calvin Harris quand même plus de 61 000 retweets quand il a annoncé ça. En attendant de connaître sa future chérie, c'est avec Rihanna qu'on va l'écouter. L'un des morceaux que vous allez forcément ajouter à votre playlist cet été. Mais la première fois que vous l'avez entendu, c'était ici. Écoutez ça. 40 minutes de pop rock électro non-stop qui se prépare avec également avant 10h fun et l'une des stars d'Electrochoc. Ça approche, rendez-vous à Lyon. C'est Kungs qui arrive très vite sur Virgin Radio. La plus grande tournée électro de France. Electrochoc va ambiancer Lyon le 23 juin. Tout le monde les mains en l'air, faites du bruit. Vous serez 12 000 à la halle Tony Garnier avec nous pour voir sur scène The Avenger. Cassius, Flume, Alina George, Synapso, Kooks, Stellartonic, Moom. Offenbach, hey, Hugel, les plus grandes stars électro de Virgin Radio viennent faire la fête avec vous. Génial, super, un régal, franchement. Merci Virgin Radio. Énorme